Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, une émission mensuelle où on se retrouve entre passionnés de cinéma pour parler et donner nos avis sur les différents films que l'on a pu voir durant le mois passé. Vous écoutez en ce moment l'épisode 26 enregistré le 13 mai 2016. Je suis Axel, un des autres qui vous accompagnera durant ce podcast. Mais je ne suis pas seul car j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon équipe habituelle, en commençant par Morgan. Salut Morgan. Salut. Ça va ? Très très bien. Et toi ? Ben oui, à part que je sois dans le stress des examens, mais à part ça, ça va. On vous expliquera ça un peu plus tard, que le podcast sera un peu plus court. Et aussi, ne pas oublier, Eddie, salut. Salut. Ça va ? Oui, ça va. D'accord, donc on a fait un peu de changement dans l'émission, il y aura un peu de changement dans cette émission. C'est pas habituel, mais voilà. Il y aura pas de vidéo club Movies Nerd de ce mois-ci parce que je voyais pas l'intérêt avec le film du mois. Vu que j'en ai fait un il y a 2 ans sur Captain America 1 et Captain America 2, on n'allait pas reparler de Captain America 1 et Captain America 2, ça n'avait aucun intérêt. Donc du coup, voilà. Moi je n'ai pas vu le film du mois, donc qui sera Captain America Civil War, donc ce sera juste Eddie et Morgan qui le verront. Donc moi je suis en train... C'est un petit peu le monde à l'envers, mais... Voilà, c'est le fan de Marvel qui n'a toujours pas vu... Moi je l'ai vu en avant-première, donc... C'est celui qui est le moins fan de Marvel qui l'a vu en avant-première, en plus. C'est ça, exactement. Mais du coup, voilà, je l'ai pas vu parce que voilà, je suis dans les examens, etc. Donc, ils en parleront, et si vous voulez voudrez connaître mon avis, je ferai une critique sûrement dans une semaine, voire un peu plus, parce que voilà, je suis pas encore sûr de combien de temps les examens vont durer, etc. Donc... Voilà, ensuite, on a changé de nom aussi pour la rubrique Nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Je voulais le faire depuis très longtemps, j'en avais parlé avec Eddie et Morgan, ils étaient d'accord que non, c'était pas terrible non plus. Enfin voilà, c'était un truc que j'avais trouvé rapidement parce qu'il fallait un nom, mais voilà, je voulais absolument changer. Donc c'est Eddie qui a eu l'idée, je l'ai un peu raccourci parce que... L'idée, sinon, hein, pas moi. Oui, non. J'ai raccourci le nom puisque. Je dirais rien du tout de. Rien. Je dirais pas que j'ai mal interprété ce que t'as dit. Rien. D'accord. Non, merci parce que là, sinon, on serait parti pour 5 minutes encore. Donc voilà. Il avait proposé. Le mec qu'on a trop marre. Non, mais bon. Donc du coup, Eddie avait proposé la sélection des chroniqueurs et je voulais un nom plus court, donc on s'est décidé sur la Selec. Voilà, donc maintenant nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes, ce sera la Selec. Point final. Et voilà, donc ce sera toujours le même principe. On parle de films qu'on a vus au hasard pendant le mois, soit des trucs qui sont sortis au cinéma, soit des trucs qu'on a vus directement en vidéo. Ça permet surtout d'être plus large, en fait. Voilà, exactement. Donc, voilà, ça nous permet de parler de tous les films dont nous voulons parler. Donc le sommaire, après cette introduction très très longue, donc on aura la Selec, on parlera entre autres de Desierto, Grimsby, Les Visiteurs 3, Le Chasseur et la Reine des Glaces, Sea of Trees, donc nos souvenirs en français, etc. Et on aura aussi le film du mois, donc comme je l'ai dit, sur Captain America Civil War. Donc voilà, le podcast risquera d'être un peu plus court, mais on est sur... Ce sera aussi bien, oui. Parce que les podcasts de 2 heures déjà à monter, c'est super. Voilà, c'est pas terrible. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite donc avec la nouvelle rubrique, la Selec. Donc on est dans la nouvelle rubrique, la Selec, et on commence avec Morgan et un super film français que tout le monde attendait, le retour des visiteurs, donc Les Visiteurs 3. Et je te laisse la parole, Morgan. Ok. Alors. Oh non, c'est quoi cette intro de merde? Ouais, c'était sûr. Enfin, comment il a fait? Il a osé. Alors, mais moi j'aurais... Enfin, alors, voilà. Déjà, je rectifie un peu le titre, ce n'est pas Les Visiteurs 3, c'est Les Visiteurs La Révolution. Voilà. Oh, excuse-moi, excusez-moi. Donc, c'est vrai que c'était important de le préciser. Hein. Les gens qui ont trouvé ce nom, je m'excuse auprès d'eux. Voilà. Donc, voilà. Oui, en fait, il y a eu un tout petit bug entre deux, donc il y a eu un moment de blanc. D'accord, donc, ok. Pas en principe, c'est à toi, mais bon, tu fais comme tu veux. Oui, oui, non, mais des fois, il y a des petits bugs. Au pire, on peut parler des bon... visiteurs 3 sans l'avoir vu, hein, mais après... Ouais, bah, on peut même en parler sans en parler. Hein. Exactement. Mais ça va être très rapide. 20 ans après, les visiteurs de Les Couloirs du Temps, voici que notre chère équipe, en tout cas notre duo comique préféré, franchement, les visiteurs 1 et 2, ça fait partie de mes comédies préférées. Donc j'attendais un peu ce troisième volet, j'étais un peu curieux, mais j'avais un peu peur aussi, parce que, faut dire ce qui est, l'affiche est horrible, la bande-annonce est méga horrible. On en avait parlé d'ailleurs dans le Parlons Cinéma. Et le film est pire. Le film est vraiment pire que ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le film est un flop. Et ça, je n'y attendais pas. Ben, on s'y attendait pas. On avait prévu quand même que, avec les noms Jean Reno plus Christian Clavier plus le nom des visiteurs, ça allait faire un carton quand même. Ah oui, ben, comme même Les Trois Frères, le retour avait plutôt bien marché malgré tout. Ouais. Mais je pense que les gens depuis Les Bronzés 3 sont un peu, ils ont appris à être méfiants. Ils ont après, c'est aussi méfiant. Parce que les Trois Frères, il n'y avait pas eu de suite ou quoi que ce soit. Les visiteurs, il y avait eu que le premier, puis pas les visiteurs 2 ni les visiteurs 3 qui sont quand même moins appréciés que le premier. Je pense que celui-là aurait peut-être marché. Ni les visiteurs aux États-Unis. Alors voilà, les visiteurs en Amérique qui est un remake du premier américain. Et d'ailleurs, même Clavier le désavoue complètement. Il n'aime pas ce film, c'est une mauvaise expérience pour lui. Et qu'on le rassure, c'était aussi mauvais pour nous. Donc, les visiteurs 3 reprend exactement là où le 2 nous avait laissé. Donc, à savoir pendant l'époque de la Révolution, moment où en gros le bas peuple va se révolter contre les bourgeois, et en gros il y aura un peu une inversion des privilèges, etc. Donc, cinématographiquement parlant, le décor est plutôt sympa. Maintenant, il y a que ça. En fait, je pense qu'ils avaient tout, ils avaient tous des idées. Mais ils se sont dit, déjà, grosse erreur de prendre un casting ultra prestigieux. Donc, comme tu l'as dit, il n'y a pas que Reno et Clavier. Ils ont aussi invité une flopée de entre guillemets, jeunes talents. Parce que Franck Dubosc, il n'est pas jeune. Mais il y a Franck Dubosc, Harry Habitant, Karine Viard, qui, je pense, ceux qui ont dit que Muriel Robin dans Les Visiteurs 2 était mauvaise, je pense qu'ils vont revoir leur jugement quand ils verront Karine Viard dans le film. D'accord. Mais vraiment. Il y a Marie-Anne Chazelle qui joue, pas Dame Ginette parce qu'elle n'était pas née à l'époque, mais qui joue en gros... Enfin non, elle était morte depuis longtemps. Voilà, son... Comment on appelle ça? Pas la descendante, son ancêtre. Mais... Son ancêtre, voilà. Ouais. L'inversement. Il y a Sylvie Testu qui est la seule actrice qui se débrouille bien au milieu de tout ce bordel et toute cette atrocité visuelle et scénaristique, parce que le film vraiment est une horreur. C'est que moi, je honnêtement, devant la bande-annonce, je savais que ça allait pas être fameux, mais au moins je m'attendais... un temps soit peu à me divertir, à trouver ça un peu sympa et de me dire je vois pas le temps passer. Je me suis fait chier pendant 1h50. Ça dure 1h50 ce machin. Déjà il y a une grosse arnaque, une ruse que j'ai trouvée mais dans le genre paraît scénaristique, c'est risible parce que comme ça reprend là où le 2 s'est arrêté, il faut bien qu'ils expliquent le fameux changement, le vieillissement de la peau. Donc ils ont trouvé un prétexte scénaristique qui est plutôt malin mais ridicule. Enfin, il est malin parce qu'il fait qu'il fallait, il fallait en trouver un, mais en même, ouais, franchement, c'est ça vole pas haut, ça vole vraiment pas haut. La mise en scène, bah, c'est du Poiré. Donc le problème, c'est que la mise en scène de Poiré, elle a pas évolué en fait. Le cinéma comique a évolué, mais sa mise en scène n'a pas évolué. Elle a jamais vraiment existé non plus. Enfin, hein. Oui, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Alors, dans Les Visiteurs, d'ailleurs, je vais faire une petite promo pour quelqu'un qui travaille sur Movies Nerd, qui est Morgane, l'autre Morgane, qui a fait une critique vidéo des une critique des visiteurs, critique, et je trouve là, ça. Les critiques critiquables qui sont d'ailleurs très bien, et j'ai regardé celle des visiteurs et il dit des choses vraiment bien sur la mise en scène de Poiré, parce que effectivement les visiteurs 1, il y avait des plans qui étaient un peu dégueulasses, mais au moins ça passait parce que derrière il y avait un sens du dialogue, il y avait des péripéties qui étaient drôles et tout. Là il y a rien, on retrouve pas du tout l'ambiance des premiers. Christian Clavier, il est omniprésent. Et du coup les seconds rôles à côté ont du mal à exister. Alors on se demande pourquoi avoir pris tout ce monde. Je pense qu'effectivement c'était pour ramener du public, mais quand on voit le faible résultat au box-office, même si le film a fait plus d'un million d'entrées, je crois quasi 2 millions, mais il faut que le film dépasse les 5 millions d'entrées pour être rentable, et il les dépassera jamais. Donc le film est un échec total, un échec commercial, échec artistique, c'est très mauvais. Donc je tire un peu sur l'ambulance forcément, ouais, mais ouais, j'étais tellement énervé parce que même les acteurs, ils y croient pas quoi. Pourtant Clavier sur les plateaux télé, ah oui, il vendait ça bien, il avait l'air vachement investi. Non mais franchement, je suis un peu naïf aussi. Je me suis dit bon, il est impliqué quoi. Et même à l'époque où le projet avait été lancé, il avait parlé sur le micro d'Europe 1 en disant on a une idée, ça va être bien. Franchement, en matière de scénario, mais c'est juste une catastrophe. Le scénario, c'est lui qui le fait avec Poiret. C'est lui avec Poiret, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Donc du coup, il s'approprie un peu tous les gags et il essaye de d'avoir un effet, comment dire, de réutiliser une recette qui avait fait le succès par rapport au premier au deuxième, à savoir trouver à Jacouille des tics verbaux pour que ça reste en tête. Le problème, c'est que là, ça marche pas quoi. Qu'on sort de la séance en oubliant. Ah ouais, donc il a essayé de trouver des nouvelles gimmicks, quoi. Oui, je vais la donner. La gimmick qu'il a trouvée, c'est Oura. Parce que dans le film, il parle avec Sylvie Testu et Sylvie Testu dit non, faut dire Oura, c'est plus laïque. Et lui, tout le film, il dit Oura, c'est plus laïque. Voilà le niveau. Mais vraiment. Ouais. Et du coup, c'est vraiment. Ça a l'air d'être un supplice. Niveau reconstitution historique. Enfin, j'allais dire, niveau reconstitution historique, c'est sûr que ça n'a pas volé très haut, mais genre, est-ce que tu crois un peu d'être dans l'univers ou pas non. du tout de la Révolution? Alors, t'as l'impression c'est tourné sur un plateau à côté de Paris, quoi. Déjà, ça n'a même pas tout tourné à Paris, ça a été tourné dans un pays de l'Est, ouais, et ça a été tourné aussi en Belgique. Donc, voilà, pour des raisons financières évidentes. Ouais. Donc, du coup, tu sens que déjà, c'est extrêmement fermé, t'as l'impression d'être dans un huis clos dehors. Ça se sentait rien qu'à la bande-annonce. Hein. Parce que dans le premier visiteur, il y avait des paysages, il y avait des grandes plaines et tout. Là, il n'y a rien. C'est sûr que c'était plus simple. Extrêmement fermé, quoi. Ouais, puisque c'était à l'époque contemporaine, même s'il y avait des passages. Le plus grand du film, c'était à l'époque contemporaine. Mais... Ouais. Et du coup, non, c'est très, très, très, très, très, très, très, très mauvais. Mauvais. Donc je me suis dit en sortant du film, ça va être la pire comédie française de l'année. Eh bien non, j'avais tort. Parce que. On va retirer sur l'ambulance. Voilà, parce qu'on n'a pas peur. Parce que la même semaine, encore un autre flop, parce que la même semaine, même jour, est sorti un autre film. Qui s'appelle Le fantôme de Canterville avec Michael Youn, Audrey Fleurot, et c'est réalisé par Yann Samuel, qui a réalisé que des films que je déteste, entre autres son plus connu et qui est considéré comme un très bon film aux yeux de pas mal de personnes, qui s'appelle Jeux d'enfants, avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, qui était, enfin pour moi c'était horrible. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, jamais vu. Mais... T'as aimé? Non. Voilà. Il a fait comme ça quand tu lui as dit, donc non, je pense que. Non, mais on sait jamais, peut-être qu'en m'entendant parler en mal d'eux, mais franchement ce film était. Donc là, c'est une comédie fantastique. La bande-annonce, c'est pas que j'y croyais, mais je me suis dit, tiens, un truc fantastique avec des effets spéciaux, ça a pas l'air dégueulasse. Eh bien si, ça l'est tout autant. Ça, je vais être très court, hein. C'est dégueulasse, pas drôle. Michael Youn, on retrouve le Michael Youn de la Beuse. Enfin vraiment, ce niveau de jeu est identique, quoi. Mais je crois que même les enfants ne peuvent même pas rire à ça. D'ailleurs, même les visiteurs, enfin personne n'arrive. Ça a été une semaine Salle, personne ne riait pour les visiteurs ou pour le fantôme. Le fantôme, ça a souri. Les visiteurs, si tu veux, ça a souri au début quand tu revois les personnages. Ouais. Tu sais, il y a un côté rire un peu. Oh, les retrouves, c'est rigolo. Le problème, c'est que quand les gags commencent à venir, les gens ne rient pas. Les enfants ne rient pas non plus. Et j'écoutais un peu, parce que moi je suis un peu curieux, j'aime bien écouter un peu la réaction des gens, surtout que la salle était pleine, c'est affiché complet ce soir-là, et les gens sont sortis, hein, mais j'entendais sur 4 bouches sur 5, mais c'était nul, mais vraiment. Et le fantôme de Canterville, c'est pareil, enfin non, c'est pas bon du tout. Donc là je suis très concis, je vais pas entrer dans les détails, mais pour dire que pour la comédie française, je crois que le moment le plus noir de l'année, ce sera cette semaine du... Je crois que c'était le 6 avril. C'était début avril. Ouais. Ah, début avril, ouais. D'ailleurs, le mois d'avril, c'était pas un mois très très fameux. Il y a eu des bons trucs, mais. Enfin, pour le cinéma français, je veux dire. Oui. Parce qu'on a eu Tout pour être heureux, qui était vachement bien, qui a un peu rattrapé le truc. Mais on a eu aussi un autre film français dont je parlerai après. C'était pas fameux non plus. Ok. Donc on va peut-être parler d'une comédie peut-être un peu plus fameuse, mais cette fois du côté british. Donc personnellement, moi j'affectionne énormément le l'humour anglais et surtout Sacha Baron Cohen. Donc c'est le nouveau film de Sacha Baron Cohen. Malheureusement, mon cinéma a décidé de ne pas le passer, voilà. Donc c'est Morgane qui l'a vu tu vas nous dire ce que tu en as pensé. Une énorme surprise. Donc je vais parler de Grimsby, agent trop spécial réalisé par Louis Leterrier. Ça peut faire peur, ne vous en allez pas. Ouais. Je vous promets que... Déjà, j'ai rien contre Louis Leterrier parce que j'adore Insaisissable. Danny the Dog, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Ça se regarde, il n'y a pas de problème. Non, ça se regarde. C'est moins bien, par contre. Ouais, ah bah même lui n'aime pas Hulk, Signal. C'est enfin, moins même bien. Même lui, il a complètement... ouais, Hulk, ça avait été moi. Il a eu... Non, c'est pas là. Enfin, Universal, Hulk. Ouais, Universal, mais bon. Non, je parle de Choc des Titans. Ah oui, du Choc des Titans. Ils ont imposé la 3D, ouais, mais des retouches du scénario. Mais même sans la 3D, le film n'est pas bon. Ouais, déjà. Oui, puis des retouches du scénario. Non, mais, il y avait Mouloud Arshour aussi. Donc comment... Parce qu'en fait, l'acteur australien dont le nom m'échappe, qui jouait, qui jouait dans Avatar, qui n'était pas connu à l'époque quand il a fait le Choc des Titans, Avatar est sorti genre un an avant le Choc des Titans. À peine. Quelques mois. Et donc, le studio apparemment a décidé de rechanger complètement le montage et le scénario, donc ils ont dû retourner des scènes pour que Sam Worthington soit le héros principal au lieu que ce soit un film d'équipe comme c'était proposé à la base. Voilà. Ah bah oui, quand le marketing l'emporte sur... Exactement. Voilà. Bon, on va reparler d'un bon film. Oui, d'un très bon film. J'y allais totalement à reculons parce que Sacha Baron Cohen, c'est pas trop mon style d'humour. Enfin, si, ça, d'apparence, c'est mon style d'humour, mais lui ne me fait pas vraiment rire. D'accord. The Dictator, j'avais trouvé ça un peu... Ouais, mais c'est le moins bon de tout. C'est le moins bon, il paraît. Et Borat, j'en garde pas un souvenir mémorable. Ah, mais je l'ai vu il y a très très longtemps. Donc, et j'avais un peu peur aussi, disons-le, hein, en plus il y a Mark Strong dans le film, d'un Kingsman-like. Ouais, parce que ça sentait vraiment le... Enfin, voilà, c'était un... j'aime toujours Sacha Baron Cohen, mais là, le sujet ne me tentait vraiment pas. Quoi. Mais après... Comédie d'espionnage, en général, c'est... Enfin, je trouve que, surtout ces derniers temps, on a eu des bons trucs. Bon, par rapport à Kingsman, il y a certains détails du scénario qui sont totalement copier-coller de Kingsman, mais peu importe. Franchement, Grimsby, c'est un film, alors ça dure 1h17, ça se regarde sans problème, mais c'est surtout que le film m'a énormément surpris parce qu'il est, à mon sens, la comédie, je pense pour l'instant, la comédie de l'année. Vous vous souvenez d'un fameux film qui s'appelait Deadpool, qu'on avait vendu comme un espèce de truc insolent, irrévérencieux, un truc trash? Et bah, Grimsby, c'est tout ce que Deadpool nous avait vendu, sauf que là, c'est vrai. Et ça atteint, je peux le dire, hein, ça atteint un sommet dans la vulgarité, dans le trash, dans le sale, dans l'interdit. C'est un humour... mais interdit, on rit de tout, ça rit à base de zoophilie, à base d'inceste, de sperme, enfin tout y passe, mais Sacha Baron Cohen s'interdit rien du tout, et on sent que c'est lié au scénario, parce que le film n'a aucune, mais vraiment aucune limite. Et alors que je m'attendais à avoir un film extrêmement sage, voilà, bon, il y a un peu de bon sentiment, mais pas trop non plus. Et là, je vais faire un parallèle avec Judd Apatow. Judd Apatow, là où j'ai du mal avec le monsieur, c'est que au début c'est un peu insolent, un petit peu voilà, et vers la fin c'est un peu naïf, un peu prude. Là, jusqu'au bout, de la première à la dernière image, Grimsby, c'est insolent, sale, vulgaire, mais vraiment je vais même pas raconter les gags, ça aurait aucun mais non, intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Mais je crois que j'ai ri, enfin c'est même pas que je crois, j'ai ri au point de déranger la salle. J'ai été pris d'un fou rire mais hyper bruyant. Et la salle d'ailleurs, il y a des personnes qui ont quitté la salle, notamment des personnes qui étaient là avec des enfants. Mais... ils sont partis. Mais non, parce que le film n'a pas d'interdiction. Oui. Et parce que je pense que les distributeurs s'en foutaient totalement. Mais moi, c'est je prends juste un exemple rapidement. Quand je suis allé voir Ted 2, tu vois, il y avait une femme qui avait emmené son enfant. Parce que peut-être qu'il y avait un ourson sur l'affiche, mais ils sont vite partis, je peux te dire, dès qu'ils ont vu des trucs un peu... Voilà, ils sont vite partis. Je pense que c'est la même chose pour... Surtout par rapport à des dialogues, il y a un gros gag dans le film, je peux pas le raconter, c'est une histoire d'éléphant, je vais pas aller plus loin. Ouais, justement, en parlant de ça, ils ont pour faire la promo du film aux États-Unis. Tu sais, ils passent dans tous les talk shows, etc. Et normalement, ils passent une bande-annonce. Mais là, cette fois-ci, ils ont décidé de montrer cet extrait, apparemment. Puisque, en fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas le droit de me montrer en télé. Donc, les caméras se mettaient sur le public pendant que le public regardait l'extrait. Et du coup, ils ont fait tout leur coup de com' sur ça. Et les gens, ils étaient... ils riaient, mais c'était... juste de les voir se marrer, c'était super drôle. Et même si ça paraît un peu... Enfin, c'est un peu de la... comment dire, pour vendre son film, c'est un peu douteux, mais moi personnellement ça a fonctionné non, parce que j'avais envie de le voir juste pour voir à quel point, parce que les gens ils étaient mais ils étaient... justement c'est ça qui est, c'est ça qui ouais. est pas quoi. C'est pas bête parce que finalement tu te dis bah si les gens ont ri c'est en fait le rire des gens ne trompe pas contrairement à l'idée que tu peux te faire au départ c'est un rire très gêné parce que c'est ça aussi le film ose tellement mais les gens ils étaient choqués hein, parce que aux États-Unis t'imagines que voilà quoi ah mais aux États-Unis mais je me demande comment le film a fait enfin je me demande comment les gens l'ont reçu bah c'est comme ça la vache mais même en France enfin moi dans ma salle il y avait quand même pas mal de monde beaucoup à dans nombreuses scènes c'était oh non mais moi-même à un moment je riais je fais mais pourquoi je ris devant ça c'est tellement ignoble je devrais pas rire et ça m'a fait du bien je me dis mais enfin un film méchant insolent ça va jusqu'au bout et mais jusqu'à la dernière seconde il n'y a pas le côté un peu non à la fin bien tout ça non jusqu'au bout c'est très mauvais goût mais dans le bon sens du terme et ça fait plaisir de voir un film surtout réalisé par Louis Leterrier qui est peut-être pas non plus le réalisateur le plus on en a parlé c'est pas le réalisateur le plus enfin moi c'était pas enfin pour moi c'est pas le plus grand réalisateur comique parce que concrètement voilà, enfin c'est sa première comédie, je crois. Mais bon, Sacha Baron Cohen a quand même bien aidé, et lui est drôle, quoi. Du coup, ça m'a réconcilié avec lui et Mark Strong totalement, mais ça fait plaisir de le voir parce qu'il se libère, je crois, de tous ses rôles sérieux, il s'amuse. Ah, il y a Rebel Wilson aussi. Bon, qui joue l'éternel petite fille qui se moque de son physique, mais bon, c'est un running gag attendu et j'aimerais qu'elle fasse autre chose parce que j'en ai un peu marre aussi qu'on prenne des actrices, on va dire corpulentes, pour se moquer de cette. C'est pour ça que j'aime bien Melissa McCarthy qui en. Au début de sa carrière, c'était un peu beaucoup ça, mais maintenant elle s'éloigne un peu de tout ça et ça fait plutôt plaisir. Elle en fait une force, d'autant plus qu'elle est magnifique, je trouve. Mais Rebel Wilson, elle est toujours enfermée là-dedans et c'est dommage. Après, c'est efficace dans le film. Mais bon, Penelope Cruz qui joue la méchante de service. C'est clairement c'est le même personnage que Isla Fisher aussi. C'est sa femme. Oui. Donc, mais pas, Ah d'accord. Enfin, son rôle est pas non plus un grand rôle. Mais franchement, après faut aimer Sacha Baron Cohen ou pas parce qu'effectivement moi j'y suis allé un peu en disant je vais pas rire. Mais en même temps, je reconnais que ce mec a, excusez-moi de le dire, mais les couilles d'aller jusqu'au bout. Oui, complètement. Il s'interdit rien, quoi. Mais même quand il fait ses apparitions publiques, c'est complètement... Enfin, moi, ce mec, je l'adore vraiment. Oui, et d'ailleurs, ce qui est bien chez lui, c'est que quand il sort un film comme ça, quand il fait la promo à la télé... Il va en personnage. En personnage. Et il était venu dans Touche pas à mon poste la dernière fois. Il avait créé un bordel c'était monstrueux. Un gros bordel avec des Même Hanouna, il était gêné, il en pouvait plus, et je me disais oh non putain mais quel lourd mais le film est pas du tout enfin le film est à l'image de ça mais en même temps moi ça m'avait fait rire quand il avait balancé la grand-mère dans le public justement en plus c'était la femme de Charlie Chaplin ou sa fille qui lui offrait la canne la canne de Charlie Chaplin et du coup ils avaient fait un gag là-dessus où ils balançaient justement sa fille après enfin c'était vraiment super drôle d'ailleurs je vous conseille si vous l'avez pas encore vu parce que c'est vraiment hyper drôle mais toutes ces apparitions publiques que ce soit à la télé américaine ou française c'est vraiment excellent voilà. Non mais il s'interdit rien ça fait plaisir franchement en termes de comédie enfin si vous voulez vraiment une comédie américaine qui ose, qu'on dit toujours, les Américains sont un peu puritains. Mais il y a un petit sens anglais avec Sacha Baron Cohen quand même, c'est pas. Oui, puis même Mark Strong, à côté un peu la classe, c'est pas en Angleterre. Ouais. Mais il y a des plans, enfin, je revois là dans ma tête le visage, surtout qui tourne un peu à la dérision, le côté un peu sentimentaliste qu'on installe dans le genre de film. surtout que là, il est question de frères, parce que oui, j'ai pas raconté l'histoire, mais. En gros, Mark Strong, ce sont deux frères. Mark, lui, est devenu un espion, agent secret et tout, qui a disparu quand il était enfant. Et son frère, qui est un gros bouseux de service, qui a 8 enfants, dont un qui s'appelle Django Unchained. Enfin, ça vous laisse vraiment qui l'éduque à base de South Park et d'épisodes de Breaking Bad. Enfin, vraiment. Et lui, il recherche justement son frère et la scène où il se retrouve. Il y a un espèce de plan, je me suis dit, c'est tellement ridicule, le plan dure des plombes, mais quand on comprend que c'est que de la dérision et une façon aussi de se moquer, parce que je pense que Sacha Baron Cohen ne fait pas que rire, il critique énormément à travers son humour, je pense que lui a vraiment tout compris et je vais revoir Borat et je vais voir Bruno. Ouais, absolument. Faut que tu vois Borat et Bruno parce que c'est vraiment des petits, c'est des bijoux de comédie. Non, en plus, c'est pas tourné comme Grimsby parce que c'est. avec des vrais gens, entre guillemets, parce que c'est des genres de caméras cachées, même si c'est pas vraiment des caméras cachées. Mais ouais, c'est vraiment excellent. Voilà. Bah, la limite de Grimsby, bon, même si bon, le scénario, honnêtement, les enjeux sont extrêmement convenus ouais. et quasi inexistants. Donc il faut vraiment le voir à la limite comme une succession de scénettes. Et pas comme un film voilà très scénarisé etc. Il y a pas, le scénario est vraiment pas terrible et très convenu. Les personnages secondaires sont inexistants. Non mais de toute façon on n'y va pas pour ça. Hein. Enfin je veux dire. Si... Mais je pense que si toi t'aimes Sacha Baron Cohen, enfin la fameuse grosse scène de comédie. En plus c'est ce que j'aime aussi, ce que j'ai aussi adoré dans le film, c'est que là où dans certaines comédies américaines on désamorce un gag qui pourrait être choquant vulgaire pour l'adoucir à la fin. Là, en fait, il n'est pas du tout là-dedans. Quand il y a un gag trash, il est dans la surenchère. C'est qu'il y a un gag encore plus trash. Puis ensuite, c'est vraiment, ça va crescendo, quoi. Et comme je dis, il ne s'interdit rien. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Donc, grosse surprise pour moi et comédie de l'année pour moi. D'accord, ok. Tu vas continuer, du coup, sur Desierto. J'ai soif. Ouais. Tu peux boire si tu veux. Ah, en plus, Desierto, c'est le désert, la soif. Ouais, non, je vais faire le podcast comme ça, parce que voilà, je vais être dans les conditions. Desierto... On se met dans les conditions. Hein, c'est... Oui, voilà. en plus, Jeffrey Dean Morgan. Enfin, désolé, mais là... Bon. Donc, Desierto, réalisé par Jonas Cuarón, fils de... Alfonso Cuarón, réalisateur entre autres de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ouais, enfin. Les Fils de l'Homme, mais également du chef-d'œuvre de merveille, de puissance émotionnelle. De Gravity, oui. De Gravity, voilà. D'ailleurs, son fils avait aidé pour la réalisation ou pour le scénario, je sais pas. Ah, il y avait un scénario dans Gravity. Mais non, je passais rien dans Gravity. Donc, bah, on retrouve un peu un, il y a un côté, bah, voilà, on sent qu'il a, on sent que c'est le scénariste de Gravity, enfin, un des co-scénaristes de Gravity qui a réalisé ce film-là. Je pense que Alfonso Cuarón peut être très fier de son fils parce que, bah, ce qui, pour un premier film, c'est extrêmement prometteur. Alors, ce qui est curieux avec ce film. Ah, c'est mexicain. Donc, ce qui est curieux avec ce film, c'est que j'en suis sorti avec un avis plutôt positif, hein, sur 5, je crois que j'avais mis 3,5 sur 5. Et, j'ai dit, non, c'est un bon film, franchement, ça se regarde. Et en fait, depuis que je l'ai vu, ce film me poursuit. À tel point que j'ai envie de le revoir aujourd'hui. Genre dans la rue et tout. Oui. D'accord. Jeffrey Dean Morgan est derrière moi toujours en permanence. C'est It Follows, mais version de Jeffrey Dean Morgan. D'accord. Donc autant dire que là, je me laisse attraper sans problème. voilà. Je suis un peu fatigué, désolé. Donc Desierto, donc c'est un survival dans le désert, hein, comme le titre l'indique, avec Gael Garcia Bernal qui joue le rôle d'un immigré mexicain qui tente avec un groupe d'immigrés hein, de franchir la frontière américaine dans le but d'immigrer. Sauf que ils vont avoir un accident de camions qui vont en gros les empêcher de pouvoir y aller. En voiture, ils vont donc devoir y aller à pied, sous le soleil, pas comme la série. Ça, j'ai la chanson en tête maintenant. Ah, arrête. Au secours, arrête. Sauf que derrière tout ça, il y a un très méchant monsieur joué par Jeffrey Dean Morgan qui, armé de son sniper et de son chien, parce que le chien est un vrai personnage dans le film. Donc du coup, voilà, c'est un survival dans le désert et en gros, c'est un jeu de du chat et de la souris et donc des souris en permanence. Donc un film plutôt, j'ai envie de dire, très minimaliste hein, dans sa forme, parce que bon, c'est pas non plus un grand exercice de mise en scène. C'est un premier film encore une fois, mais vraiment, on sent que Papa Cuarón, voilà, son âme flotte dans l'air parce que il y a un plan séquence. Il y a au moins un plan séquence, non? Bah honnêtement, j'ai pas fait gaffe. Non, mais par rapport au côté un peu immersif, parce que c'est vrai qu'on ressent un peu ce côté très chaud du désert. Justement, même si l'immersion chez Cuarón passe par le plan séquence. Oui, mais là, ça passe plutôt par une espèce de mise en tension et de sens du suspense, parce que bah forcément, la menace dans Desierto, enfin, même si les deux films n'ont rien à voir, mais on est obligé de les comparer. Gravity, la menace, ça l'est, enfin. C'est un peu la nature, quoi. Là, c'est clairement Jeffrey Dean Morgan qui les assassine. Donc, il y a un côté un peu... La menace est plus... Bah, elle est personnifiée, pour le coup. C'est un personnage. Elle est plus humaine. Elle a un visage. Elle est plus humaine. Ouais, elle a un visage. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très, très malin dans le film, c'est que Jeffrey Dean Morgan, son personnage, pose énormément de questions. Et c'est là que je vais faire le parallèle avec Gravity, c'est Gravity, il y a tout n'est pas dit frontalement, mais tout laisse à penser que. Donc le personnage de Jeffrey Dean Morgan, on peut le prendre comme un espèce de psychopathe qui tue gratuitement. Quand on creuse un peu la chose, on se rend compte que le film parle de manière extrêmement subtile et extrêmement cinématographique. Du coup, c'est pas un film politique, mais il amorce quand même une réflexion sur le racisme et sur ce que peut être, ce que pourrait devenir, parce que surtout qu'on s'approche vers des élections présidentielles avec un candidat républicain que je citerai pas, mais c'est un film qu'on pourrait prendre comme un espèce de bah, qu'est-ce que pourrait devenir l'Amérique avec Donald Trump mais tu vraiment... que tu n'as pas cité. Non. C'est vrai, je l'ai cité. Ah ouais, merde. Ok. Non, mais c'est vrai, donc ça parle vraiment du racisme montant, parce que clairement, on ne sait pas pourquoi il les tue. Rien n'est expliqué. Donc du coup, la seule option qu'on a, c'est qu'il a un problème parce que ce sont des migrants. Donc du coup, il les tue par plaisir, par sadisme, parce qu'il est raciste, rien n'est dit véritablement, mais comme dans Gravity, il y a une interprétation qui a à faire, et moi je l'ai pris comme ça. Et du coup, le film m'a beaucoup marqué, parce que je le trouve que derrière son... avec d'un côté, il y a le côté un peu politique, mais d'autre côté, il y a le suspense, le survival, qui est extrêmement bien foutu, avec des... Donc Gael García Bernal, il est excellent, mais Jeffrey Dean Morgan, lui, je vais en parler, parce que je crois que c'est mon acteur coup de cœur de l'année, d'ailleurs, je le remercie parce que il y a une série qui s'appelle The Walking Dead où il est dedans depuis la fin de la saison 6 et grâce à lui, grâce à son personnage, il m'a donné envie de revoir la série et donc d'être au rendez-vous pour la saison 7 l'année prochaine. Ah mais vraiment, parce que je trouve cet acteur, mais il est d'une classe mais incroyable, mais en même temps il arrive à jouer les personnages les plus ignobles du monde quoi. Déjà dans Watchmen, il paraît qu'il est, je m'en souviens pas trop. Mais dans Watchmen, il paraît qu'il était bien chafouin. C'est quoi, bien chafouin. Il joue le comédien ? Oui. Ok, ouais, donc le comédien, c'est quand même assez violent. Ouais. Voilà, donc, mais je crois qu'il aime ce genre de rôle, il le fait très bien. Et donc pour un premier essai, c'est vraiment prometteur, j'ai hâte de voir. Donc j'espère quand même qu'il va s'éloigner des survival, parce que bon, les Quaron qui font des survival, peut-être faire autre chose à un moment donné. Hein, même ouais. Si j'adore Gravity et j'aime beaucoup Desierto, mais j'aimerais bien que et les fils de l'homme, c'est que j'ai pas vu. C'est un excellent film, c'est très très. Faudrait que je le voie. Mais ouais. Tu l'as pas vu? Tu m'as dit que t'avais pas aimé. Non, mais j'ai pas été au bout. Ah. Donc, ah, mais c'est un très très. Concrètement, je l'ai film. Pas vu. Il faut voir. Je peux pas dire que j'ai, enfin, même si je l'ai fait l'année dernière et que j'ai pas mangé mon père, ouais. Mais je peux pas trop dire j'ai pas aimé quand j'ai pas été au bout. C'est comme 2001 Odyssée de l'espace. J'ai pas été au bout, mais je peux pas dire ce que j'ai pas aimé. Et Itumama Tambien aussi, qui est très bon. C'est un de ses premiers films, cette fois avec en langue espagnole, et c'est très très bon aussi. Ah bah d'ailleurs, Desierto est aussi un film en espagnol, oui. Bon, je pensais que ça allait être un film, bah justement, Jeffrey Dean Morgan, je pensais que ça allait être... Non, mais alors, il parle en espagnol ? Les deux, parce que comme ouais. Ça... Bah oui, comme ouais, c'est... Ouais, donc il est interagi avec... ouais. Exactement. Et donc, il y a une espèce de violence qui s'installe durant tout le film, et qui est extrêmement percutante. Notamment avec le personnage du chien Eddie, je pense que si tu vois le film, tu vas supporter. Il y a une scène, tu vas vraiment pas la supporter. Oui, parce qu'à mon avis, le chien se fait buter. Hein. Bah, comme c'est une menace, le chien, je peux pas trop spoiler, mais il y a. C'est un moment où effectivement. C'est quoi comme chien ? Oh, j'en sais rien, c'est un toutou quoi. Enfin, grand, petit, moyen. Ça ressemble à un espèce de berger gros. Allemand, mais pas très. D'accord. Le mec, il va pas aller les chasser avec un Jack Russell ou un chihuahua. Non, bah non, c'est un espèce de berger allemand. C'est un genre d'accord, de berger c'est allemand. C'est un malinois, tout du coup. Bon, c'est un berger mexicain, quoi. Et donc. et le personnage du chien est un vrai personnage à part entière, comme l'espace était un vrai personnage dans Gravity, par exemple. Sauf que, et le chien, donc cette menace, parce que du coup, il y a deux menaces dans le film, et c'est le personnage du chien qui, en gros, c'est lui qui apporte l'émotion du film, et qui apporte une espèce. Enfin, personnellement, il y a un moment dans le film où clairement mon point de vue et mon comment je pourrais dire mon empathie a changé dans le film. De quand ? Voilà. Et du coup, j'étais un petit peu troublé parce que je me dis en gros, à un moment, je me mets pour les méchants. C'est étonnant parce que je vais parler juste d'un film qui m'a fait exactement la même chose juste après. Eh bien, regardez Zirto. Ouais. Non. Donc du coup, c'est un petit film. Hein, c'est vraiment un petit essai, c'est un premier film, pardon j'ai loqué, c'est un petit essai, donc c'est pas la grosse claque de mise en scène, mais c'est super prometteur, Et voilà, moi j'aime beaucoup les Quaron, du coup, enfin, officiellement j'adore Quaron, Jonas comme Alfonso, même s'il faut que, du coup, que je revoie Les Fils de l'Homme, enfin que je le vois en entier cette fois, mais Desierto est un, vraiment un bien bel essai, et voilà, c'était super bien. Ok, d'accord. Bah oui, non, mais c'est très bien. Donc du coup, on va laisser peut-être un peu la parole à Morgane, à Eddie, pardon, puisque Morgane a beaucoup parlé déjà. Je vais te laisser parler du chasseur et la reine des glaces. C'est sûr que c'est pas du tout le même film. Enfin bon, face du désert aux glaces, donc c'est bien. Ouais. Alors, le chasseur et la reine des glaces, du coup, qui est un, c'est une suite et en même temps c'est une préquelle de Blanche-Neige et le chasseur. Qui était sorti en 2012 avec Kristen Stewart dans le rôle de Blanche-Neige et Charlize Theron dans le rôle de la de sa belle-mère, quoi, la méchante, et Chris Hemsworth dans le rôle du chasseur. Donc ici on retrouve que Chris Hemsworth et Charlize Theron, et les nouvelles venues, surtout c'est Emily Blunt dans le rôle de la méchante avec Charlize Theron, donc Emily Blunt qui joue Freya, la reine des glaces, et Jessica Chastain qui joue Sarah, la guerrière, donc la femme du chasseur, dont on entend parler dans Blanche-Neige et le chasseur. D'accord. Donc le film, dans son titre complet, s'appelle Les Chroniques de Blanche-Neige, le chasseur et la reine des glaces, parce que a priori ils veulent un peu franchiser là-dessus. Ouais. Est-ce que ça fonctionne Oui, ouais. oui, c'est cohérent. Oui. C'est cohérent. Ça a du sens, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand on repense à Blanche-Neige et le chasseur, du coup, on en apprend beaucoup plus sur le chasseur dans ce film-là. D'accord. Les liens sont bien faits et tout. Blanche-Neige est toujours là, on le sait, on en entend parler. On voit pas Kristen Stewart parce que apparemment la prod ne veut pas d'elle suite à ce qui s'est passé dans le premier avec le réalisateur. Elle a couché avec le réel du premier. D'accord. Donc du coup, ça leur a pas trop plu. Je pense qu'elle s'en fout en plus vu. Et sa je carrière, pense que maintenant Kristen Stewart, elle a d'autres chats à fouetter. À mon avis, si jamais elle revient un jour, ce sera vraiment pour le fun, quoi. Ce sera pour venir chercher son chèque et c'est tout. Elle est tellement devenue une actrice, mais incroyable. Hein. Elle a bien évolué depuis Twilight, ouais, c'est clair. Comme quoi, on peut partir de rien. Et du coup, il y a un truc qui cloche, c'est que le film s'appelle Les Chroniques de Blanche-Neige. Enfin, la franchise va s'appeler comme ça. Sauf que finalement, Blanche-Neige, soit ils vont changer l'actrice. Ce que moi, je trouve, ce serait con. Parce que quand même, même si c'est vrai que mettre Kristen Stewart face à Charlize Theron en termes de beauté, il y a un problème. Mais c'est quand même elle qui a lancé le personnage, quoi, dans cette franchise-là. Donc je pense que ce serait un peu bête de changer l'actrice pour ce rôle-là. Donc voilà, moi je trouve que le nom de la franchise est un petit peu con, quoi. Faudrait. C'est sûr que ça partagera cet univers-là, mais je sais pas, il aurait fallu trouver autre chose. Et le film en lui-même, donc moi j'ai bien aimé parce que, enfin déjà j'avais bien aimé Blanche-Neige et le chasseur. Parce que moi je n'ai vu aucun. Est-ce que tu conseilles de voir d'abord le premier ou alors est-ce qu'on peut commencer directement avec celui-là? C'est peut-être aussi bien de commencer avec le premier. Ouais, d'accord. Parce que celui-là en fait commence avant le premier et à un certain moment bascule après le premier. D'accord, ok. Mais c'est bien amené dans le film, mais du coup, on comprend bien quel moment est au début et quel moment se passe après. C'est pas du tout gênant, et je pense que du coup, on apprécie plus celui-là, même si pour moi, il est un petit cran en dessous que l'autre. Morgane va dire l'inverse, parce qu'il a pas aimé l'autre. Mais du coup, je pense qu'on apprécie plus celui-là en ayant vu l'autre. D'accord, ok. Au niveau des références et tout, c'est plus intéressant. Ouais. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que j'avais bien aimé le premier déjà, j'avais bien aimé le côté relecture plus adulte et c'était de la fantasy mais c'était de l'horrific fantasy mais plus pour adultes, alors pas au niveau du Seigneur des Anneaux bien sûr, je pense pas, mais de toute façon c'est pas la démarche du film non plus, c'est pas l'argent derrière de toute façon donc le but c'était de garder quand même quelque chose d'assez féerique, de rester dans un conte de fées. Dans un conte de fées, mais pour adultes, donc beaucoup plus sombre, avec des combats, une Blanche-Neige un peu à la Jeanne d'Arc. Mais bon, moi j'ai trouvé que le trip marchait plutôt bien et le film était assez divertissant et surtout c'était beau. Les effets spéciaux étaient vraiment pas moches du tout. Il y avait une ambiance bah, une ambiance visuelle qui fonctionnait bien, et c'est, bah, c'est le point fort aussi de la suite, hein. C'est vrai que visuellement c'est quand même pas dégueulasse, hormis 2-3 trucs qui fonctionnent pas trop, mais sinon de manière générale le film est beau, c'est agréable à regarder. D'accord. Et après c'est deux films de toute façon qui partent dans des délires à la fois visuels puis de mise en scène. Tu sens vraiment que les réalisateurs ils ont carte blanche et qui peuvent s'éclater à faire des trucs avec les mises en scène. Et c'est vrai que ça rend bien. Après l'histoire en elle-même, du coup c'est donc on commence avec Charlize Theron et on apprend en fait qu'elle a une sœur, parce que Charlize Theron au sein de la franchise en fait bah c'est une espèce de... c'est pas vraiment une sorcière, c'est quoi que je sais pas. Morgane, tu dirais que c'est une sorcière toi? Ah non, pas du tout. C'est pas une sorcière, hein, elle a des pouvoirs magiques, mais de là à parler de sorcière. Non, pour moi c'est pas une sorcière. Parce que même dans le film d'animation Disney des années 30, la reine n'est pas une sorcière. Elle est jamais présentée comme ça en fait. Non, jamais. C'est un personnage maléfique quoi. Et donc là c'est un peu la même chose, donc en gros c'est une reine qui a des pouvoirs maléfiques et qui du coup séduit des rois pour étendre son royaume et étendre son pouvoir, et du coup c'est elle qui détient le fameux miroir magique auquel elle demande régulièrement qui est la plus belle femme dans le royaume. Et un jour son miroir va lui répondre quelque chose, et que en gros c'est la plus belle femme dans le royaume, mais plus pour longtemps, puisque sa sœur va avoir un enfant qui devrait surpasser sa beauté. Donc elle est pas trop d'accord avec ça. Elle aime beaucoup sa sœur au départ, on s'en rend compte, mais elle va pas hésiter à supprimer l'enfant, hein. Et du coup ça va révéler chez sa sœur un pouvoir magique, donc celui de maîtriser la glace. Et sa sœur, du coup, Emily Blunt, va devenir la reine des glaces. Et du coup, pour se protéger, en fait, parce qu'elle a été trahie, elle a été trahie par sa sœur, et du coup, par l'amour de sa sœur et tout ça. Et pour se protéger de l'amour qu'elle ne pense pas véritable, du coup, vu qu'elle a été trahie, elle va, à défaut d'avoir pu voir grandir son enfant et d'avoir pu l'élever, elle va lever une armée, en fait. Elle va aller entre guillemets réquisitionner les enfants dans tout son royaume, son royaume qu'elle va étendre au fil des ans. Et en fait, les enfants qu'elle va récupérer, elle va les entraîner et ils vont devenir ses chasseurs. Donc Chris Hemsworth et Jessica Chastain. En précisant que c'est un royaume où le sentiment amoureux est interdit, vu qu'elle a été elle a imposé cette loi-là. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est génial dans le film, je trouve. Et donc, du coup, évidemment, Chris Hemsworth et Jessica Chastain ils sont amenés à tomber amoureux pendant le film. Et c'est ce qui va créer la discorde, en fait, au sein de... Parce que c'est ce qui est intéressant avec le personnage d'Emily Blunt, c'est qu'elle n'est pas dépeinte vraiment comme une antagoniste. Ça fait un peu comme la Reine des Neiges, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui est un peu dépassé par ses pouvoirs et qui du coup va vivre un peu recluse. En autarcie, quoi. Ouais. Voilà, c'est mais ça. Justement, Eddie, j'ai une question parce que franchement, pendant tout le film, la Reine des Glaces, elle est portugaise. La Reine des Glaces et la Reine des Neiges, c'est pas la même chose. Non, c'est pas. On sent bien que les. C'est pas basé sur le même conte. Je pense qu'il s'inspire beaucoup du conte de Anderson quand même. Ouais. Ah bah oui, parce pour, que. Pour là... le personnage, mais. Ils en font pas le même personnage pour autant. D'accord, oui. Mais parce qu'elle a pas le même prénom, donc du coup, je trouvais ça un Elle a pas le même prénom, elle a pas les mêmes intentions non plus quand même. Elle a quand même un dessin un peu plus noir que Elsa dans La Reine des Neiges. Hein. Elsa, tout ce qu'elle aspire, c'est vivre tranquille et vivre à l'écart des autres pour les protéger, justement, pour protéger sa sœur et le royaume. Alors que là... Du coup, on est quand même toujours dans une espèce de relecture, je pense. Relecture, clairement. C'est un peu le principe aussi. Mais moi, je serais pas surpris qu'ils touchent un petit peu à d'autres contes s'ils font une suite. Hein. Ouais. Et peut-être qu'ils vont faire... En vrai, ils vont peut-être réussir là où les Disney échouent beaucoup en ce moment. Dans la relecture des contes, on peut pas dire Disney s'en sort bien, même si j'ai bien aimé Maléfique, mais là je trouve que... Puis finalement, Maléfique n'était pas tant une relecture que ça, parce qu'une relecture ça aurait été une réadaptation un peu comme Cendrillon, alors que Maléfique proposait une lecture complètement autre. Différente. Oui, une relecture. C'était une relecture, mais une relecture qui s'écartait du conte original, en fait, qui changeait complètement la nature de la méchante. C'est pour ça que je le trouve, c'est pour ça que je le mets à part en disant qu'il est réussi. Oui, pour moi aussi. Pour moi, Maléfique, c'est pas une adaptation live de La Belle au Bois Dormant, de toute façon. Ah oui, non, pas du tout. C'est une relecture et je trouve ça plus intéressant que les adaptations. Oui, aussi. Bah oui, parce que finalement, Cendrillon, ça nous apporte rien de plus par rapport au dessin animé. Voilà, quoi. C'était juste sympa, mais voilà. Et du coup, j'en étais où ? Et donc du coup, donc la Reine des Glaces, elle a quand même des dessins plus noirs que Elsa dans la Reine des Neiges, et parce que son but c'est quand même de d'étendre son royaume, d'étendre son pouvoir, en sachant que il y a un moment en fait dans le film, le film commence où la Reine des Glaces va partir dans son royaume à elle, elle va sortir de celui de sa sœur. Sa sœur va pas la bannir ou quoi que ce soit, mais elle va se mettre à l'écart toute seule. Et elle va donc récupérer les enfants qu'elle va entraîner et tout. Et c'est quand Chris Hemsworth devient adulte, et Jessica Chastain aussi du coup, qu'on bascule après Blanche-Neige et le chasseur. Donc à ce moment-là, ça veut dire que Charlize Theron, son personnage est mort. Est-ce qu'ils l'ont vieilli Qui ? Non, ils les ont vieillis numériquement ou ça se passe genre Chris Hemsworth, ans, en fait, Chris Hemsworth, il y a un moment, moi j'ai trouvé qu'il était un peu lissé numériquement. D'accord, ok. Ouais, pour paraître un peu vrai. Plus jeune, et ça se sent en fait. C'est vrai, t'as raison. Okay. Et ça se sent, mais bon, pour te dire, j'ai trouvé que c'était plus propre que Gandalf dans Le Hobbit. Ouais, bon, après on prend un exemple. C'était pas hyper compliqué non plus, mais pourtant il n'y a pas le même budget, tu vois, comme quoi. Ou Jeff Bridges dans Tron. Oh, my... Ah oui, aussi, ouais. Des trucs horribles, des visions apocalyptiques. Par contre, Michael Douglas dans Ant-Man, ça rendait bien. Il l'avait pas tant lu que ça. Ça va encore. Ça va. Quand même. Et donc du coup, la Reine des Glaces va se mettre en tête de récupérer le miroir de sa sœur, parce que le miroir magique existe toujours. Blanche-Neige, on apprend que Blanche-Neige l'a conservé. Et du coup, elle va envoyer son chasseur. Elle va envoyer ses chasseurs pour le récupérer, quoi. Mais entre temps, du coup, Chris Hemsworth et Jessica Chastain tombent amoureux. Donc, elle est obligée de les séparer. On va pas dire comment parce que sinon c'est pas intéressant. Bah oui. Et du coup, voilà. En fait, le film part de là. Le chasseur doit récupérer le miroir. Et le miroir, ça, sans spoiler, ce qu'on le voit dans les bandes annonces, le miroir, en gros, c'est pour. Elle veut ramener Ravenna. Enfin, elle veut ramener Charlize Theron à la vie pour être plus forte et puis conquérir, pour étendre son pouvoir encore plus. Quoi. Donc, ce qui est intéressant dans le film, c'est que du coup, on s'écarte quand même de. Là, on n'est plus dans la relecture façon Blanche-Neige. On est vraiment dans un univers qui s'est créé suite au premier. C'est un univers qui fonctionne bien, je trouve. On est vraiment dans le côté, dans la fantasy médiévale. Ça n'a rien à voir avec Le Seigneur des Anneaux, en fait, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est même pas forcément que du médiéval, c'est vraiment de l'héroïque fantasy pure. Alors que là, on sent que on a ce côté un peu justement période très sombre, poisseuse, un peu qui évoque le Moyen-Âge. Et je trouve que ça fonctionne bien. Après, le film est très divertissant. Je trouve que ça fait vraiment bien son œuvre. Et c'est pas juste, c'est pas du divertissement con en fait. C'est pas juste. Oui, tu sens qu'il y a des scènes, elles sont là parce que c'était cool de les faire et ils ont eu envie de les faire. Mais en même temps, il y a des vrais personnages derrière quoi. Les méchantes, elles ont un background. Même si c'est léger, je veux dire, tout a une logique. Donc bon. C'est je trouve que c'est plus honnête qu'un simple divertissement qui te vendrait des méchants très méchants et sans motivation autre que de faire le mal. Là, Charlize Theron, elle pouvait paraître un peu comme ça dans le premier, elle paraît un peu comme ça dans celui-là aussi, mais du coup sa sœur a quand même des motivations vachement plus intéressantes. Et du coup c'est très intéressant parce que c'est Hitchcock qui disait ça, mais meilleur est le méchant, meilleur sera le film. Ouais. Et c'est vrai, hein, c'est une formule qui fonctionne très bien. Et là, je trouve que la Reine des Glaces, ils l'ont bien traité, ils en ont fait vraiment un personnage intéressant. Après, il y a beaucoup d'humour. Les scènes avec les nains, notamment, m'ont bien fait rire. Ils se balancent des espèces de punchlines. Et on voit des femmes nains. Et ça change, on voit rarement des femmes nains. Bah, tu regardes pas Joséphine Ange Gardien. Non, bien sûr, C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui font allusion aux femmes nains. Enfin, je pense à Gimli dans Les Deux Tours, oui, mais qui parle des femmes nains. On lui demande si elles ont des barbes et tout, quoi. Enfin, des nains femmes. Voilà. Infomaniac. Et du coup, c'est vrai que c'est assez drôle d'en voir ici. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a une aversion entre les hommes nains et les femmes nains. Et c'est pour ça que c'est très drôle. Enfin, il y a des duos comiques qui fonctionnent très bien. Et le film, de toute façon, est plus drôle que le premier. Ça se prend moins au sérieux et c'est peut-être ce qui le rend plus efficace finalement. D'accord. Je pense que c'est pour ça que t'as aimé aussi Morgan. Puis bon, après, faut dire ce qu'il y a. Moi, j'ai trouvé ça très classe, quoi. C'est vrai que les combats de la gueule. James Newton Howard, voilà, fait une super BO. Bon, il reprend beaucoup de choses de la première, quand même. Beaucoup de thèmes. Mais il les fait bien. Enfin, les thèmes du premier film sont très bons. Donc, en même temps, il se cassait pas trop la tête. Et puis, il prenait pas énormément de risques. Mais après tout, ça reste le même univers. Donc, bon. Ouais. Le film a des qualités de mise en scène, quoi. C'est un Français qui fait ça. Oui, voilà, j'allais dire justement Cédric Nicolas Troyant. Je regardais justement, et d'ailleurs, c'était un superviseur des effets spéciaux de Blanche-Neige. Oui, sur Blanche-Neige et aussi sur le Pirate des Caraïbes, la malédiction sur Pirate de des Caraïbes, et il a dû. Le Cercle, enfin The Ring plutôt. Il a dû œuvrer sur Maléfique aussi, du coup, je pense. C'était le réalisateur de la seconde équipe sur Blanche-Neige et le Chasseur et sur Maléfique. Voilà. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup maintenant de personnes comme ça qui étaient réalisateurs de seconde équipe ou chef artistique et tout qui passent derrière la caméra. Enfin, c'était le cas pour Maléfique, justement. Ouais. C'était celui qui avait fait Avatar et tout ça. Ouais, hein, il avait bossé sur Avatar. Mais tu le sens de façon dans Maléfique. Oui, dans Maléfique, ça sent. Il y a des trucs qui rappellent beaucoup Avatar. Et là, tu sens qu'il s'amuse et. Il s'amuse, mais en même temps, voilà, il met pas de côté ses personnages, quoi. En fait, l'histoire et l'action ne sont jamais au détriment du background des personnages. Et ça, je trouve que c'est bien. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, c'est sûr, c'est pas, ça invente rien, ça révolutionne rien non plus, c'est pas un grand film. Mais je trouve que ça reste honnête. C'est un bon divertissement qui est pas bête, quoi. Moi, franchement, j'ai été le voir samedi dernier et j'avais bossé la journée. Et ben, c'était nickel, quoi. C'est tout à fait ce qu'il me fallait pour me vider la tête et tout. Ouais. Et j'ai vraiment apprécié le film comme ça. Et puis c'est pas dégueulasse. C'est beau à regarder et tout. Donc, les acteurs sont très bien. Emily Blunt, excellente en Reine des Glaces. Jessica Chastain, tu sens qu'elle s'éclate du début à la fin. Tu sens qu'elle adore ça. Hein. Elle a pas bouffé. C'est elle bien a pas pour fait elle de beaucoup la voir de. Bah ouais, puis elle a pas fait beaucoup de blockbusters. Mmh. Et tu sens que elle avait envie de faire ça et qu'elle est venue avec grand plaisir, quoi. Après Chris Hemsworth, il reprend son rôle. Charlize Theron aussi. Donc, je trouve que ça fonctionne bien. Moi, j'avais beaucoup aimé Charlize Theron dans le premier à jouer. Elle était beaucoup dans le surjeu et je trouve ça assez fun, en fait. Et je trouve que là, elle fait la même chose, quoi. Tu sens vraiment que les acteurs s'amusent. Et ça, c'est bien. Donc voilà. Okay. Ça va pas rester dans les annales du cinéma, mais c'est toujours un bon petit film, quoi. Ouais. Voir, ouais. Bah, je pense que t'apprécierais plus Blanche-Neige, le Chasseur et la Reine des Glaces là que Maléfique, du coup. Je pense. Déjà, le côté médiéval fantastique me plaît énormément. C'est quelque chose que j'adore. On est plus proche de Maléfique, hein, parce que Maléfique était un peu dans ce registre-là quand même, médiéval fantastique. Ouais, c'est vrai, mais bon. Voilà, mais là, c'est plus dark. C'est plus. Bon, on est plus chez Disney, quoi. On est chez Universal. Voilà, quoi. La fin de Maléfique, je la digère pas, quoi. Avec le. La pienne, la nanana, tout le monde chante, tout le monde danse. Ah oui, bah ça c'est le conte, c'est Disney. Ouais, mais bon, voilà. Ils avaient. Pour moi, la première partie est vraiment très très bonne, genre quand elle est jeune, etc. Toute cette symbolique. C'est pas Rafik Hassidi qui joue justement Maléfique jeune Je sais plus. Mais il me semble, hein. Ou alors la petite qui la joue, elle a vraiment des faux airs, hein. Oui, c'est vrai en fait. Rafik Hassidi, c'est celle qui joue dans Tomorrowland, c'est ça? Ouais. Rafik Hassidi, déjà, c'est celle qui joue Blanche-Neige petite dans Blanche-Neige et le Chasseur. Ouais, dans Tomorrowland, mais il me semble qu'elle doit jouer Maléfique jeune aussi. Je vais vérifier. Ah non, pas du tout. Pour Rafik Hassidi, moi j'ai cru que c'était elle qui jouait Jessica Chastain jeune dans Chasseur et la Reine des Glaces. Mm-hmm. J'ai vraiment cru que c'était elle. Hein. Je trouve qu'elle y ressemble, mais vraiment. Je vérifie. Morgane, tu peux donner ton avis en attendant. Oui, mais moi, pardon, ouais, juste oui. C'est Ella Purnell, donc rien à voir. Voilà. tu peux continuer. Non, mais les noms de ta vie me font rigoler. Petite surprise aussi. Même si j'avoue que aujourd'hui, je l'ai un peu oublié. Alors que bah, je l'avais quand même mis en photo de couverture sur Facebook parce que le film m'avait tellement surpris. J'ai trouvé le spectacle peut-être plus généreux que le premier. Alors du coup, ça m'a donné envie de revoir le premier parce que bah, le premier... Bah, plus généreux que le premier parce que justement, ils s'écartent. Ils sont pas juste dans l'adaptation. Là. C'est ça. Là, y a beaucoup plus de personnages et ça m'intéresse davantage. Et surtout, dès le début, j'ai vraiment été conquis par le film parce que cette idée justement par rapport au pouvoir de la Reine des Glaces, comment elle développe ses pouvoirs, en fait, c'est la résultante d'un deuil et d'un malheur maternel. C'est que c'est un beau personnage, elle est presque touchante, quoi. Mais oui, mais totalement. Ouais. Et puis Emily Blunt le joue tellement bien, elle a des nombre d'émotions dans son regard. Mmh. Et du coup, je trouve le personnage extrêmement bien travaillé au niveau de sa psychologie. C'est pas un personnage fonctionnel, comme tu l'as dit, c'est pas un antagoniste. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir. C'est pas la méchante de service. C'était un peu ça que je reprochais en fait au premier. Je trouvais que Charlize Theron, aussi classe soit-elle, je trouvais que c'était juste une méchante. Et là, il développait quand même un peu. Mais là, peut-être que dans le film, on retrouve un peu le côté. Je trouve que Charlize Theron, son personnage est plus fonctionnel. C'est Ravenna, c'est ça ? Pour le coup, elle est plus fonctionnelle dans celui-là, je trouve. Voilà. Et donc, Ravenna, ouais. Peut-être que quand elle arrive peut-être que quand on la revoit un moment dans le film, c'est vrai que je suis peut-être moins emballé. Mais après, c'est classe, quoi. Le moment qu'elle revient, tu m'as manqué, chasseur et tout. Enfin, mais tu sens, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que tu sens que ils partent dans un gros trip. Et ils assument complètement ça, en fait. Parce qu'ils savent que ça va être classe de faire s'affronter ces personnages-là et tout. Donc c'est pour ça que ça passe. Et tu sais, on sait que c'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est tellement généreux et assumé que du coup, ça passe. Je trouve pas que ce soit tant du n'importe quoi. Je trouve que c'est plutôt bien structuré. Bon, les combats et tout, tu sens qu'ils s'amusent, quoi. Ils se lâchent sur les effets visuels et tout. Mais tu sens que bon, voilà, c'est pas. Ils ont l'excuse du média du fantastique, donc du coup, ils peuvent s'amuser. Oui, mais tout passe. Mais après, c'est vrai qu'ils parlent vraiment dans ce trip-là, quoi. Et ils l'assument pleinement. Puis de toute façon, ils sont généreux. Hein. Leur but, c'est aussi de divertir. Et ça se sent, quoi. C'est hyper généreux et j'ai adoré les personnages. C'est vraiment pour ça que j'ai aimé le film. J'ai tellement été, mais vraiment, hein, j'étais amoureux d'Emily Blunt tout le film parce que son personnage, parce que elle et Jessica Chastain qui badass et ça fait plaisir à voir parce que pour moi c'est l'actrice parfaite et effectivement je l'attendais un petit peu dans ce genre de film et franchement elle s'en sort plutôt bien. Il y a même une scène où je me suis dit non ils ont pas fait ça quand même par rapport à Jessica Chastain et Chris, c'est ça? Hein? Enfin tu veux dire quoi par rapport à... La fameuse scène où... le problème, c'est que si j'en parle, ça spoile, donc du coup... Oui. Je t'en parlerai Oui, je crois savoir ce que tu veux dire. Après, j'avoue, j'ai été un petit peu déstabilisé parce que je savais pas si c'était une suite, si c'était un reboot, un prequel. Enfin, j'étais extrêmement perdu. Et il a fallu quand même que... même si je savais que j'avais adoré le film... Il a fallu quand même que je me renseigne après parce que tout n'était pas clair, parce qu'on vend ça comme un prequel de Blanche-Neige. Mais c'est une suite prequel. Oui, voilà, comme 300. Mais du coup, la prequel, elle dure combien de temps par rapport à la suite? La prequel, elle doit durer 20 minutes, une demi-heure. D'accord, ouais. Et la suite doit durer peut-être 1h10, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Donc ils font les choses bien, ils prennent vraiment le temps. Hein, donc, C'est comme 300, c'est comme le film 300 avec Eva Green. Ouais. C'était une suite, mais en même temps, c'était... Enfin, voilà. Oui, ça se passe avant 300 ou... Je sais plus. Les deux, c'est exactement pareil. C'est la même chose, ouais. Ouais, c'est exactement pareil. Du coup, c'était plus clair dans ma tête. Non, c'est un beau spectacle généreux. Bon, je l'ai un peu oublié là. C'est dommage. Mm-hmm. Mais, après, tu sais, moi, il va pas... Je vais pas en garder un souvenir non plus mémorable, hein, mais... Ouais. Non, mais je sais qu'en fin d'année, quand je fasse mes tops et mes flops, il sera pas dans le flop, quoi. Il sera pas dans le top non plus. Mais dans le top, non, il sera pas, mais. Ou alors, c'est que j'aurais vraiment pas vu beaucoup de bons films cette année. Non, il y en a franchement des bons films. Mais non, c'est super spectacle, bien généreux. Visuellement, c'est super beau. La musique est belle. Les actrices sont belles. Mais lui, de toute façon, il est très bon. On parle souvent de Michael Giacchino, mais Newton Howard est vraiment très très c'est bon. C'est vrai qu'on parle que de Michael Giacchino. Enfin, à chaque fois qu'on parle de la musique, mais du coup. Moi, je parle de Stephen Price. Tu parles de Stephen Price. Ah. Ouais. Oui, tout le monde parle de Michael Giacchino en disant que c'est le meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est Stephen Price. Je trouve. Hein. Moi, je trouve qu'à part Gravity... Justement, Gravity, pour moi, ça emporte tellement tout. Pour moi, Gravity enterre toutes les BO au monde. Ah, donc, je suis pas objectif après. Mais moi, c'est que je suis plus BO lyrique. Donc, ouais. Plus les trucs un peu plus orchestral. Steven Price, c'est plus. C'est pour ça que, même si t'as pas vu toute la série, mais t'avais aimé les musiques de Lost. Les musiques de Lost étaient sublimes. Ah oui, j'adore. Mais moi, de toute façon, Giacchino, j'adore. Bah oui, ouais. Mais tout ce qu'il fait, de toute façon. Mais il y a d'autres compositeurs. Voilà. Oui, à d'autres. Parce que, à chaque fois qu'on parle de musique, on a l'impression qu'on parle que de Michael Giacchino, mais non. Mais il est génial en même temps. Et il y a d'autres très bons compositeurs. Alexandre Desplat, il est super. En fait. Ouais. Qui était pas très bon au début et qui s'est bien amélioré, lui. Hein. Mm-hmm. Alexandre, ah ouais, carrément. Parce qu'au départ, putain. Ouais, ça partait un peu mal. Donc voilà, est-ce que vous avez tout dit pour le chasseur et la reine des glaces ? Oui, okay. Moi j'ai tout dit. Morgane, c'est bon ? Oui. Ok, bah tu vas pouvoir continuer sur quelque chose qui t'énerve. Les malheurs de Sophie. Oh, ça va être plus court. Ça va être plus court, ouais. Ça va être court parce que chaque année, j'ai au moins un film qui, quand je le vois, je me dis on est en train de me torturer. Et c'était quoi l'année dernière ? C'était Cake ? L'année dernière ? Non, Cake, j'avoue, je m'étais endormi en plus. Ouais. C'est pas étonnant. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui m'avait torturé l'année dernière ? Désolé, Night of Cups. Ah oui ! Ah oui, pour moi, c'est une torture ce film. Mais bon, après, bon, parce que. C'est une torture qui est belle en même temps. Ouais. Là, je me fais c'est ça. Mais oui, c'est ça. Une belle torture. Bah oui, mais Terrence Malick, même si j'accroche pas et je m'ennuie. C'est le souci avec Malick, c'est que même si t'aimes pas, tu peux pas trouver ça moche. C'est pas possible. Oui, c'est ça. Impossible. Tu peux pas trouver. Mais Malick ne fera jamais. Mais c'est pas possible. Malick, c'est beau. Parfois, c'est comme. Des fois, je vais dans des musées, c'est magnifique, mais je m'emmerde. Donc, c'est pareil avec Malick. Attends, du coup là tu m'as posé la question, il faut que je cherche. Non mais c'est pas grave. Trois souvenirs de ma jeunesse. Oh quelle horreur. Oh ça allait, c'est pas non. Oh non. Bah, en termes de jeu d'acteur. D'accord. Ah ouais okay. Mais c'est la même chose. En 2014 c'était Lucie. Oui bon ça je pense qu'on est tous d'accord. Non. Enfin. Pas forcément. Pas spécialement. Moi j'avais bien rigolé en fait devant mais. Bah oui Lucie. C'était plutôt hyperchondriaque où j'avais passé un hyper mauvais moment quoi. Superchondriaque. Super chondriaque. J'avais trouvé ça moins pire que Lucie, moi, c'est pour ça. Lucie, j'avais rigolé, alors que super chondriaque, pas du tout, donc voilà. Non, alors, le truc avec Lucie, c'est que Lucie, c'était totalement con, mais au moins, ça divertit. Donc, voilà. Moi, j'ai rigolé parce que c'était tellement mauvais, hein. Mais c'est pour ça. Mais Lucie, attends, Eddie, t'as pas été curieux quand t'as vu Lucie de te dire, mais jusqu'où il va aller par rapport au pourcentage? Moi, c'est pour ça que j'étais tenu pendant le film. C'était de la merde, mais j'étais. Mais non, parce que je savais qu'il irait au moins jusqu'à 100%. Oui, mais qu'est-ce tellement que c'était con, justement. Et visuellement, de toute façon, c'était moche. Donc, au pire. Il a repris des rushs de Tree of Life quand même, à un moment donné, hein. Surtout que c'est EuropaCorp qui a produit The Tree of Life en France. Ouais, mais alors il a rajouté des filtres dessus, quelque chose, mais c'était vraiment moche. Hein. Bah oui, mais bon. Non. Lucie, moi, franchement, ça a été l'une de des pires séances de ma vie, hein, je pense. Non, en 2014, c'était Winter Sleep. C'était horrible. Mais bon, pire, tu dors. J'ai pas vu. Ouais. Le problème, c'est que Lucie, c'est pas assez long pour t'endormir. Ouais. Oui, mais le problème de Winter Sleep, c'est que j'ai. Sinon, on va faire un débat sur les mauvais films. Voilà, mais au pire, on va peut-être parler des malheurs de Sophie. Je termine mon truc, justement, par rapport aux malheurs de Sophie. C'est que j'ai voulu m'endormir, mais j'ai pas pu. Ouais. Il y a des films, franchement. Parce que le son était trop fort. Non, parce que j'étais pas fatigué, tout d'accord, simplement. Ouais. Il y a des films, des fois, j'y vais un peu, je suis un peu fatigué, c'est mauvais, je me dis, bon, allez, je m'emmerde tellement que, allez, je vais dormir. Mais là, j'ai pas pu dormir, j'étais obligé de subir ce film. Mm-hmm. Alors, moi, je connais pas du tout, sauf de nom, hein, la série d'origine, hein, Les Malheurs de Sophie. Par contre, là, je m'endormais devant cette série, tu vois. Le film, tu peux pas t'endormir parce que, en fait, c'est. C'est comme Orange Mécanique, tu sais. Tu subis vraiment. C'est aussi agréable que ce qu'on fait faire à Alex ou Axel. Alex. Donc, Les Malheurs de Sophie, moi, je connaissais pas du tout la série d'origine à part de nom. Mm-hmm. J'y allais vraiment sans a priori. C'est parce qu'il y avait Muriel Robin. Juste pour ça. Non, parce que. En fait, bon, c'est peut-être un peu sadique ce que je vais dire, mais dans la bande-annonce, on voyait Muriel Robin avec un martinet en train de fouetter les enfants. Et j'adore, non mais c'est vrai, j'adore au cinéma les histoires. Vous savez, Vipère au point, ces trucs-là, les histoires d'enfants battus, j'adore ça. Non mais c'est. Quel sadique. Justement, je suis en empathie avec les d'accord, parce que comme tu le dis. Ça fait vraiment bizarre. Non. J'adore quand on frappe des enfants. Non, j'ai pas dit que j'adorais quand on frappait les enfants. J'adore les histoires d'enfants battus au cinéma. Quand je regarde Vipère au point, qui est vachement bien avec Catherine Fro, il y a eu tellement d'adaptations. J'aime bien l'histoire de la mère autoritaire. Et j'adore Poil de carotte, par exemple. Voilà. Oh. Voilà. J'adore le livre. Enfin, j'adore les histoires d'enfants. Je suis pas un enfant battu, mais je suis tellement dans l'empathie que voilà, j'aime bien ces histoires-là. Mm-hmm. Mais en fait, Muriel Robin, elle arrive au bout d'une heure du film. Donc, du est-ce coup, que c'est la belle-mère? Bah oui, c'est la belle-mère. Mais donc, mais elle est juste géniale. Mais c'est la seule actrice qui s'en sort. Et la BO est, on va dire, pas mal, sauf la musique additionnelle qui est juste une horreur. Enfin, la chanson du film. Et c'est du Christophe Honoré. Oui, justement, mais je n'ai jamais vu un film d'Honoré de ma vie. Ah oui, mais non, mais de toute façon, c'est très très particulier. Hein, donc, il paraît. Donc, enfin, c'est particulier, mais c'est surtout très chiant. Enfin, moi, il y a que les chansons d'amour que j'avais bien aimées. Il avait pas fait l'année dernière Métamorphose. Métamorphose, ouais. Ouais, il paraît que c'était pas. Ouais. Bah, moi, je pensais voir un film enfantin, on va dire classique. Vous savez, l'histoire, le film pour enfants classique avec les bons sentiments et tout. Sauf que là, Honoré, c'est un peu du... Là, il y a un côté... Alors, je vais reprendre un avis, notez-le bien. Surprend qu'ils se mettent à faire des films comme ça. Enfin, c'est pas du tout... Alors, je vais reprendre un petit peu, parce que je suis 100% d'accord avec lui, et ça arrive pas tous les 4 matins. Oui, Durandal. Oui, il a dit que c'était un film... C'était pas un film pour enfants, ou alors c'est un film pour enfants bobo arty. Mais c'est vrai, il a raison, parce que c'est pas un film pour enfants classique. C'est du cinéma d'auteur pour enfants, donc d'un côté c'est pas trop populaire en fait. Tu sens que le film a rien de populaire dans la démarche et tout. Surtout par rapport au format du film, c'est en 1-1, donc en soi ça a aucun intérêt. Franchement, c'est juste pour amener un effet de mise en scène que je trouve un peu prétentieux quand même. Ouais. Le film s'autorise un peu des apparitions pas numériques, mais clairement dessinées. Les animaux du film sont dessinés à la main. Oh. C'est des écureuils, on les, c'est pas des vrais écureuils ni en stop motion ni rien. Ouais, mais franchement c'est chiant. C'est ça le problème du film, c'est que c'est chiant. D'accord. Quand tu me dis ça comme ça m'intéresse, tu vois. Non, c'est... mais je pense que tu vas aimer, toi, en fait. Ah Axel, ouais. Attends, parce que oui, genre avant il me dit Woody Allen c'est pour les bobos. D'accord, je suis un peu d'accord. J'ai pas dit que c'était pour les bobos. J'ai dit que Woody Allen pour moi c'est alors voilà, c'est comme Eddie quand il dit que Baby Sting c'est un film de beauf. Il a pas dit que c'est pour les beaufs, il a dit que c'est de beaufs. Et ben pour moi Woody Allen c'est un film de bobos. D'accord. Enfin, c'est des films de bobos. D'accord. Voilà, c'est... Mais du coup, et après tu me dis que moi j'aimerais Les Malheurs de Sophie, oui, parce que le film est beau. Non, je suis bobo, mais non, je sais ce que t'aimes au cinéma, ouais. Et je pense que la mise en scène et la façon dont le film est construit au niveau des plans, parce que c'est quand même réfléchi, hein, c'est pas de la merde en propre en soi. Objectivement, ça peut plaire. Hein. Parce qu'il y en a qui trouvent ça formidable, il y en a qui... Il a la moyenne, hein, de toute façon. Hein. Oui, non, mais le film est apprécié, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais moi, personnellement, je me suis emmerdé, mais comme c'est pas permis. Donc, j'ai que ça, en fait, pour l'attaquer. Parce que quand quelqu'un me dit c'est magnifique, c'est beau, les personnages, les costumes, ça, je suis entièrement d'accord. Mais effectivement, au bout d'un moment, le ressenti est purement subjectif. Moi, ça m'a emmerdé. J'ai trouvé les enfants insupportables, ils savent vraiment pas jouer. La petite qui joue Sophie... Bah là pour le coup, voilà, je supportais pas. C'est d'une niaiserie pour moi épouvantable. Alors je sais pas si la série l'était aussi. Une série un petit peu, ouais. Bah, en même temps, la série c'était une série d'animation sur France 3, c'était diffusé plutôt 17h, mais c'était insupportable. Ouais. Enfin, moi je supportais pas ça en tout cas. Ah, mais le problème c'est que là le film est extrêmement niais aussi. Donc, comme je sais pas ce qu'il vaut par rapport à la série. Pourtant, les nouvelles de la comtesse de Ségur au départ, c'est pas niais, quoi. C'est triste, les malheurs de Sophie au départ. Ouais. Ah ouais, mais moi aussi j'y allais pour ça parce que justement, comme il y avait ce propos de fille, question de merde, sa mère est décédée, etc. Donc, même là au niveau du deuil, je trouve que c'est extrêmement lisse et l'histoire de la belle-mère, un peu tyrannique, même beaucoup tyrannique. Et encore une fois, elle est génialement interprétée par Muriel Robin. Honnêtement, c'est le seul point positif du film avec la bande originale. Mais le reste, pour moi, c'est niais, pas très beau, et extrêmement prétentieux, quoi. Mais c'est vraiment la démarche de dire, je vais faire un film pour enfants qui sort des sentiers battus, je vais vous faire un truc très intello, vous allez réfléchir, ça va être... Mais pour moi, le film, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'âme, quoi. Donc, c'est juste du... il paraît que c'est du Honoré. Enfin, quand j'en avais parlé sur Twitter, on m'a dit, t'inquiète pas, c'est du Honoré, t'inquiète pas. Et je pense que j'aurais peut-être dû, parce que j'avais pas regardé le nom c'est du réalisateur. C'est vrai qu'il fait des films très désincarnés. Donc. Ah mais oui, pour le coup, oui. Même, les enfants, ils jouent de manière un peu fausse, mais il paraît que c'était extrêmement voulu. Enfin, tout est... Voilà, ouais, non, mais c'est très... Il a des goûts très précis. Ouais, c'est ça. Et il a des idées de mise en scène et même de réalisation qui... Enfin, ça peut paraître bizarre, quoi. Mais t'en as qui font ça justement pour s'écarter, faire des choses originales, mais lui, c'est même pas pour faire original, quoi. C'est que c'est... Ou alors, si c'est pour faire du raté, ça fonctionne, mais moi, c'est vrai que j'ai du mal aussi avec son cinéma. Non, personnellement, j'ai jamais vu de film de Honoré, donc du coup... Mais ça peut passer parce que justement, je pense qu'Axel, toi, tu peux être sensible à cette mise en scène-là. D'accord. Sais ce que t'aimes en général, donc voilà, on se taquine entre nous, mais... Oui, mais il n'y a pas de souci, je t'en veux pas pour... Non, t'inquiète pas, moi, il va te péter la gueule, toi. Non, mais je suis pas du tout comme ça, au contraire, chacun aime ce qu'il aime, et voilà, j'aime pas justement mettre les films dans des cases, tu vois. Mais c'est vrai que si je dois définir ce genre de film, pour moi, effectivement, c'est un film assez... Je suis peut-être trop con pour la. Donc en fait, Axel, selon toi, serait un bobo arty. Non, pas du tout. Ce qui est surtout... mais je sais ce qu'il aime. Moi, tu sais, alors, je suis déjà un bobo, alors. Non, mais moi, je le connais maintenant, du coup. Je sais ce qu'il aime au cinéma et je pense que dans ce film, je pense qu'il sera. Alors peut-être qu'il va pas aimer justement la partie enfantine. Ouais, voilà. C'est possible que ça, ça me. En matière de mise en scène, il va se dire. Ouais, mais quand même, même si j'aime pas trop le film, même si c'est un peu niais, que les acteurs sont. Putain, la mise en scène, il y a des trucs, il y a des plans qui font plaisir par rapport au cinéma français, parce que je sais qu'il partage un peu, pour lui en France, c'est un peu compliqué aussi. Mais au niveau de la réalisation surtout, je trouve qu'on est un peu fainéant, je trouve. Enfin, le film c'est en général, parce que il y a des exceptions bien sûr, comme toujours, mais je trouve que beaucoup de films, surtout les très grands publics, sont très fainéants sur leur mise en scène en fait. Voilà, mais c'est tout. Mais franchement, voilà, non, pour moi c'est une torture, mais c'est moi personnellement. Oui, bah. Et je vois que le film a des bonnes notes, est bien apprécié, il a des critiques, le cercle ils ont adoré le film, mais moi non, je suis resté. Alors voilà, quand tu rentres pas dedans, je pense que. Voilà, quand t'es hermétique à un film, t'as beau essayer, mais. Bah oui, mais c'est normal. Hein, Et c'est long, ça dure 1h40. Ouais, d'accord. Ok, bon ben moi je vais parler d'un film de bobo alors. un film qui est pas sorti en France, un petit film indépendant. Non mais alors, donc c'est, je vais parler de I Declare War, donc un petit film canadien justement, indépendant, qui est sorti le 15 avril 2012 avec des acteurs inconnus au bataillon, puisque ce n'est que des enfants. C'est un casting entièrement composé d'enfants. Peut-être par rapport au malheur de Sophie, comme tu disais, les enfants jouent très très bien dans ce film, et c'est très très bien. Donc voilà, le synopsis c'est tout simple. Durant l'été, des adolescents s'amusent à jouer à la guerre, entre guillemets, dans une forêt, et les choses deviennent sérieuses, un peu plus sérieuses, donc lorsque la jalousie et la trahison s'en mêlent. Donc, au niveau de la mise en scène, c'est vraiment très astucieux, parce que dès la première minute, on est plongé dans l'esprit des enfants. Donc, au début, on voit des enfants qui marchent dans un champ, avec des bouts de bois en tant qu'armes, et y a une petite astuce de mise en scène, comme quoi on monte sur le visage des enfants, et on redescend, et là, ils ont des vraies armes. Et ils tirent des vraies balles, etc. Donc, c'est dans l'imaginaire enfantin, ils ont toujours des bouts de bois dans la vraie vie, mais c'est filmé comme si c'était ce qu'ils voyaient. Ensuite, on a le générique avec des dessins d'enfants qui sont animés et qui expliquent les règles du jeu, du jeu de la guerre. En fait, ils appellent ça le jeu de la guerre. Donc, la lumière est vraiment très jolie, sachant que le tout a été tourné en décor naturel, uniquement en forêt, quasiment. Donc, ça ne devait pas être super évident, surtout pour un film avec un petit budget comme celui-ci. D'ailleurs, on sent jamais le manque d'argent, c'est ça qui est bien. Il y a vraiment une économie de moyens tout le long du film, donc qui fait pas perdre au film ses différentes qualités. C'est une plongée vraiment dans l'imaginaire enfantin, très intelligemment faite. Tout le travail, que ce soit visuel ou sonore, est vraiment remarquable. D'ailleurs, plus pour les bruitages et le sound design en fait que pour la musique qui est sympatoche, mais qui est sans plus quoi. C'est pas non plus un truc dont on se souviendra. Tout cet aspect visuel et sonore, c'est un hommage aux films de guerre avec des références de science-fiction, de western, etc. Plutôt bien disposé au fil du film. Le scénario est vraiment très bien écrit. Au bout d'un moment, on se croit véritablement dans un film de guerre, jusqu'à ce qu'on revienne d'un coup au bout de bois. En fait, on repasse avec ce petit effet de mise en scène. D'un coup, on repasse au bout de bois pour un effet comique. Et ça fonctionne très bien. On rigole souvent devant le film. Et les scènes comiques sont vraiment très drôles et bien jaugées par rapport à l'action ambiante. Les dialogues sont vraiment géniaux, en fait, parce qu'ils mélangent le langage courant et les débats puérils des enfants et des adolescents. Ce que les dialogues arrivent très bien à retranscrire. D'ailleurs, les ados du film parlent comme le feront de vrais ados. Ils ne se retiennent pas. Ils lancent des fucks, des insultes, s'affusent à toute vitesse. Ce qui permet au film d'avoir une fluidité, puisque les acteurs ne semblent pas juste réciter leurs textes et ont l'air de vraiment s'impliquer dans le film, s'impliquer dans l'histoire. Et ça mélange ça, donc le langage enfantin-adolescent, au langage militaire super technique, ce qui donne un mélange assez bizarre, mais qui fonctionne étonnamment bien. Donc voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le film aborde la frontière qui deviendra de plus en plus poreuse au fil du film entre le jeu et la réalité, et que les apparences sont souvent trompeuses dans le film. Je ne vais pas vous dévoiler pour ne pas vous gâcher le film, mais quand vous arrivez au final, qui est vraiment génial, avec une mise en scène de suspense vraiment excellente, vous repenserez à mes paroles, je pense, si vous voyez le film, mais je vous le conseille vraiment en tout cas. Le film dit des choses assez intéressantes, peut-être qu'il les laisse parfois un peu trop sous-entendues et que certains personnages ne sont pas assez développés. Mais personnellement, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde devant le film et j'ai passé un très bon moment. C'est un des seuls films, en fait, en y repensant, parce que j'y ai repensé en voyant le film, c'est un des seuls films que j'ai pu voir, où j'ai pu voir un film qui est entièrement composé d'enfants et on ne voit pas une seule fois à l'écran un adulte. Ah ouais. Ouais, c'est que des enfants du début, de la première seconde à la dernière seconde. Et moi, j'avais pas vu d'autres films comme ça. Il y a pas d'adultes suggérés, enfin qu'on entend ou on les voit pas. Non, en fait, ils disent ouais, après la guerre, on va, en plus c'est une scène comique. Après la guerre, on va jouer chez moi à la PlayStation où on va voir un film. Voilà. Donc, voilà, je crois pas, ou alors ils ont peut-être dû parler une fois des parents, mais c'est tout, quoi. Tu vois pas à l'image de parents. Donc ça, je trouve ça assez intelligent. J'ai vu beaucoup de critiques qui parlaient d'une espèce de guerre des boutons canadienne. Donc j'ai pas vu la guerre des boutons, ni le remake, ni l'original. Donc je sais pas ce que ça vaut. Ça peut, oui, c'est pas con. Voilà, donc moi, le souci... quand on choisit de prendre que des enfants acteurs adolescents, bah on s'expose quand même à de très grands risques d'acteurs qui surjouent, qui lisent leurs textes, etc. Mais ce film s'en sort admirablement bien, avec d'excellents enfants acteurs charismatiques, qui savent très bien faire passer leurs émotions et qui savent tout simplement bien jouer la comédie, en fait. Après, il y a quelques cabotinages par-ci, par-là, c'est un peu normal, on va dire, des acteurs qui sont un peu moins bons que d'autres, mais le film aurait pu être tellement pire sur ce point-là, et ici on échappe vraiment à la catastrophe. Donc voilà, je vous le conseille énormément, c'est un petit film sympatoche. Si vous avez pas quoi regarder un soir et que vous voulez regarder un petit film divertissant, pas bête, bien écrit, avec de super prestations et une très bonne réalisation, je ne saurais que trop vous recommander de regarder ce film. Vous ne perdrez pas votre temps. D'ailleurs, pour le retrouver, puisqu'il sort pas en France, qu'il n'est pas sorti en France, j'ai essayé de voir sur Amazon, etc. Parce que je voulais l'acheter en Blu-ray après l'avoir vu. Mais il est sorti dans une version Blu-ray en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc voilà, en Allemagne, il y a les sous-titres allemands et c'est tout. Donc il y a la version allemande parlée plus les sous-titres allemands ou la version originale, donc anglaise. Soit la version UK, Royaume-Uni, donc qui propose que des sous-titres en anglais. Donc du coup, voilà, on dit pas ça d'habitude normalement, parce que surtout pour des petits films comme ça, c'est bien de les acheter, si vous voulez le voir, téléchargez-le, quoi, parce que y a pas trop d'autres moyens. Il faudrait qu'un éditeur le publie, mais là je pense que c'est trop tard pour un film qui est sorti en 2012. Voilà, je pense pas qu'ils vont prendre le temps de l'éditer bien. Donc voilà, moi je vous le conseille énormément, c'était une très très bonne surprise que j'ai vue hier soir, et le film me reste en tête. Voilà, donc voilà, j'ai fini. On peut passer peut-être à Tomorrowland, si tu veux en parler rapidement, Eddie. Oui, j'ai fait zapper. Donc Tomorrowland, alors moi, bon, bah, évidemment, je l'avais, comme tout le monde, je l'avais vu à sa sortie. Ouais, on en avait parlé dans un podcast il y a un an. Ouais. Mais oui, ça doit faire un an. C'est vrai. J'ai dû le revoir un an après. Bah ouais, en fait, c'était en mai. Donc du coup, oui, c'était. Il est sorti le 20 mai. Ouais, donc du coup, c'était celui. Voilà. C'était. Celui... Ouais, ça fait à peu près un an, quoi. Un peu moins d'un an. Et du coup, bah, du coup, j'avais. Moi, je dirais que j'avais été le plus mitigé, il me semble, de, bah, dans l'équipe. Ouais, oui, complètement. Et c'est vrai que. Bah, c'est vrai que, oui. Je m'étais dit, je le reverrai, je leur laisserai sa chance. Mmh. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il se trouve que finalement, j'ai bien fait parce que finalement, je me suis approprié. J'ai réussi à comment dire. Je vais pas arriver à la sortir. Je sais pas en fait ce que tu voulais dire. J'ai réussi à surpasser ton avis. C'est même pas ça. C'est que j'ai vraiment j'avais finalement les clés pour apprécier le film aussi. Mm-hmm. Parce que quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais pas dans. Moi, je partais dans l'optique d'avoir quelque chose, un film un peu d'aventure où on partait vers, enfin, on allait à la recherche du futur entre guillemets. Enfin, je partais un peu dans cette optique-là c'est vrai que tous les messages qui du coup gravitaient autour du film et qui étaient finalement très importants, mais en fait, je comprenais pas pourquoi on les sortait là et je comprenais pas pourquoi on parlait de ça. Moi, je m'attendais à autre chose, en gros. Mmh. Et du coup, là, j'ai revu le film en sachant que ces messages étaient bien présents et tout ça. Ouais. Et ben forcément, je l'ai apprécié comme il faut l'apprécier, quoi. Parce que j'ai apprécié le film, oui, comme j'aurais dû l'apprécier la première fois que je l'ai vu. Ouais, ça arrive complètement à moi, ça m'arrive pour plein de films. Hein. Ouais, donc voilà. Voilà, donc c'était juste ça, petite mise à jour sur Tomorrowland, mais c'est vrai que oui, j'ai vraiment été repris dedans, quoi. Aussi bien que maintenant, j'ai envie de l'acheter en Blu-ray. Ouais. mais vraiment, c'est un film, c'est vraiment un beau film, c'est un bon film aussi. Qui a malheureusement pas marché. Ouais, non, alors quand ça, je vois c'est... la note qui se paye sur Sens Critique. Ouais, et la note qui se paye, c'est... Ouais, c'est affreux, quoi. Il a 5,9, mais il mérite tellement. Je comprends pas. Et je suis sûr qu'il y a des Transformers en plus. Il n'y a pas des pourcentages sur Sens Critique. Ouais, non, mais Sens Critique, ils ont la critique, ils ont la note, ils ont la note un peu dure. Ouais, alors que, ouais, sur Vodcaster, il a 53%, mais. Ouais, mais c'est pas non plus énorme. C'est pas énorme, hein. Ouais, mais les profils les plus les plus connus entre guillemets de Vodcaster adorent ce film. Là, la d'ailleurs celui qui a la microcritique la plus likée, c'est quelqu'un qui s'appelle Emeric que je connais de Twitter, qui a écrit "Empreint de la magie des meilleures productions Amblin, À la poursuite de demain est une sublime ode humaniste à la gloire de l'imaginaire." Mmh. Et ça fait plaisir de voir que des gens, comme toi, Eddie, ont compris clairement parce que ça. Mais en même temps, c'est la faute à Disney. Ils l'ont tellement mal vendu. C'est ça. Hein. De ce film. Et en plus, ils auraient dû. Et ça, c'est pas malin de leur part parce que le film est sorti pendant le Festival de Cannes. Ils auraient dû. Et ce serait tellement bien que c'est vraiment dommage que le film ne pas marché parce que ce serait tellement génial d'avoir un land à Disney qui soit justement inspiré de la ville de demain, quoi, de Tomorrowland. Ouais. Ce serait super, quoi. Parce que franchement, quand il va, Tomorrowland. À Disneyland en Californie, mais c'est voilà quoi, c'est Space Mountain, c'est ça a rien à voir. J'adorerais un land avec l'architecture, design et tout qu'on voit dans le film, ce serait super quoi, avec un monorail et coûteux, tout. Mais bon, c'est... ce serait super coûteux. Bah ils vont faire un land Star Wars, on s'en fiche. Donc ils peuvent. Ils ont l'argent. Et c'est sûr que quand tu vas à Disneyland Paris, puis tu vas dans Discoveryland, quoi, tu te dis c'est dépassé quoi, le vrai futur, il est dans ce film là et ce serait génial, ce serait vraiment génial. Mais bon, ça se fera jamais parce que le film n'a pas marché. Voilà, moi je suis content d'avoir pu me refaire un avis là-dessus et voilà, en salle j'avais vraiment senti toute la durée du film passer parce que j'avais pas ce que j'étais venu chercher. Et là, qu'en me mettant vraiment dans l'optique que le film voulait me vendre, j'ai pas vu le temps passer quoi. Et j'ai été à fond dans l'aventure et tout et j'ai vraiment passé un super moment. C'était très très très bien. Donc je suis très content d'avoir retenté l'expérience. C'est super. Comme ça, on est tous d'accord. Et maintenant, on est tous d'accord. Voilà, on est tous d'accord sur ce film. Mm-hmm. Si, comme elle dit, vous n'avez pas eu, vous avez eu le même avis que lui lors de la sortie et que vous voulez pas lui. Après, j'avais pas détesté non plus. Non, t'avais pas détesté, mais t'étais un peu déçu. Ouais, voilà, t'étais moins déçu. Sensible, on va dire. Mais essayez de lui redonner sa chance parce que je pense que voilà, ce film le mérite. Voilà. Voilà, c'est tout ce que tu voulais dire? Oui, bah oui, okay. En même temps, j'avais déjà fait une critique, j'en avais déjà parlé une fois. Ok, pas de souci. Donc on va finir cette rubrique, en fait ce podcast va être aussi long que d'habitude, donc en oui. fait on vous a promis qu'on ferait pas long, mais finalement bah, comme d'habitude en fait à notre... Ah là là, on est pire que des hommes politiques, on promet puis on fait pas, on respecte pas. Bah, en fait on promet plus, c'est un peu... enfin, non on promet moins mais on fait plus, donc du coup c'est différent des hommes politiques. voilà, bon alors moi je vais essayer de faire vite sur un film qui m'a vraiment marqué ce mois-ci et même ces dernières années en fait même. Donc c'est Sea of Trees. Ah bon donc... Ces dernières années Mais je t'explique. Fais pas semblant, Axel, quand il aime un film, je te le dis. Non, mais vraiment, mais tu, enfin, je pense que tu vas être choqué quand tu vas entendre ce que je vais dire sur ce film, mais je le pense vraiment. Donc voilà. Donc, Nos souvenirs en français, un titre. Donc, clairement, alors, je te coupe ça, sur 30 ouais, secondes, vas-y. On a trouvé son top 1 de l'année. Hein. Il est là, je pense. Ouais, et t'as trouvé mon top 1 de 2010, depuis 2010. Il y a Spielberg qui arrive, même. Depuis 2010 Oui. Ouais, attends, faut qu'on parle là. Attends, il y a eu des choses quand même, il y a eu plein de films en 2000. Non, à mon avis, tu vas un peu vite en besogne, mon petit. Peut-être, mais voilà. Donc, depuis 2010 Il y a eu Gravity, Inception, il y a eu Interstellar, il y a eu Mommy, il y a eu Gone Girl. Mais je sais. Mais tout ça, mais tu les oublies. Mais non, mais je les oublie pas, je les adore, mais ces films. Mais bien sûr que si. mais c'est, moment... t'as l'impression... Je savais que ça allait partir en quelqu'un d'autre. Non, mais au contraire, je suis content parce que le film. Non, mais je suis étonné par rapport à l'aide générale du film. Voilà, tout le monde dit que c'est de la merde. Enfin, beaucoup de monde. Tu sais, moi, depuis Jurassic World et quand j'ai vu ce qui s'est pris dans la tronche, moi, tu sais, je relativise beaucoup. Ouais, voilà. Donc, tu sais, maintenant, un film, je lui laisse vraiment sa chance avant de parler. Et maintenant, j'aurais tendance à défendre les films qui se font défoncer, justement. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de films qui se font injustement défoncer. Et à contrario, des films qui se font encenser alors qu'ils le méritent peut-être moins. Deadpool. Voilà, par exemple. Oui, entre autres, parce que je l'ai vu et mes collègues ont raison, hein, c'est vraiment de la grosse daube. Ouais. Je suis plus nuancé que vous. C'est pas de la... Le film est mauvais, le personnage est cool, mais le film est chiant, quoi, ce film, il est pas... C'est pas intéressant, enfin, je veux dire... franchement, je me suis fait chier. Hein. Ouais. Yeah, mais par contre, le personnage est cool. Moi, j'aimerais bien voir un film avec le personnage, mais traité différemment, quoi. Enfin, plus intéressant que ça, parce que franchement... Peut-être un reboot. Complètement. C'est un reboot du reboot de Deadpool. Parce que... Bon, ben, je pense que avec ce qu'on vient de dire sur Deadpool, plus que ce que je vais dire sur Sea of Trees, ben, on va se mettre tout le monde à dos, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc... justement, je vais dire que j'en ai déjà fait une critique sur le site, donc vous pouvez aller la lire si ça vous intéresse. Mais merci. j'ai fait ça, enfin pas rapidement, mais j'ai. Parce que les critiques de Axel sont tellement rares que bon, je les lis quand même. Oui, c'est ça. Mais en même temps, j'ai pas tellement le temps en ce moment, mais bon. En général, tout ce qui est publié sur le site, j'essaie de le lire parce que. Moi aussi. C'est une nerd, c'est un peu notre. Voilà quoi. C'est notre gagne-pain, enfin non. Oui, c'est notre gagne-pain. On mange beaucoup de patates, mais ça nous gagne pas. Comme je disais à Morgan, notre compte bancaire affiche fièrement son zéro. Oui. Voilà. Donc. On fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour le plaisir. Attends, de quoi tu parles? Toi, t'es même pas sur Movies Nerd. Moi, bien sûr que si. Je suis podcasteur, moi. Oui. Je vais peut-être. J'ai quand même. Attends. Et il m'accuse de faire mon François Bayrou, j'aime pas ça. Non, avant j'étais. Le centre, c'est le centre. Pas de politique. Avant j'étais sur Neocritics, mais il a fallu que je fasse un choix. Je pouvais pas être. Voilà, donc j'ai quitté Neocritics d'ailleurs. Tu l'as fait avant de venir sur Movies Nerd. Oui. Oui, oui, parce qu'elle va pas que faire croire aux gens que t'as quitté nos critiques pour venir sur Movies Nerd. Hein. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, désolé, mais Axel m'a menacé en privé. Il a menacé de faire couler nos critiques si je venais pas. Axel dit, on est très sympa comme ça. Dit, on mais en parlait fait, pas. Il nous fait vivre un enfer. Axel, en fait, c'est Cyril Hanouna. Il appelle les gens le week-end, il les menace. Bon, merde, tu vas m'attaquer pour diffamation. C'est moi qui vais appeler. Non, je plaisante. Non, non, non, non, mais c'est vrai que. D'ailleurs, je. Comment non, on a pu passer de Sea of Thieves à Je voulais, je voulais refaire des critiques écrites. Je voulais refaire des critiques écrites, mais. Et je voulais en faire. Je sais qu'Axel, il n'y aura pas de problème, mais j'ai pas la motivation. Donc, du coup, je reste podcasteur. Oui, mais ça sert à rien d'écrire quand on a pas de motivation. Bah, justement. Ouais, mais ça me manque d'écrire, mais en même temps, je. Voilà. Voilà. Ouais. Podcast ouais. Raconte ta vie, en fait. C'est un voilà. peu ça, ouais. Parlons bon. De on est désolé. Oui, oui. Vous êtes venu pour du cinéma, mais là, c'est... Mais soyez désolé pour nous, parce qu'on a subi aussi. Hein. Bon. Je vais peut-être pouvoir parler du film, voilà, du film Sea of Thieves. Non, non, c'est pas important. Changeons de sujet, parce que, bon... C'est vrai, les, ouais, c'est David vrai, Morgan en est tellement passionnante. Bah, et oui. Bon, j'ai déjà dit que le film... Oh mon Dieu, mais ça va être horrible. Bon, en plus, j'ai plein de choses à dire sur le film, c'est horrible. Qu'est-ce qui t'en empêche? Donc, le film Nos souvenirs en français, le titre absolument horrible, je voulais le dire, merci les traducteurs. D'ailleurs, l'affiche, absolument, mais qui reflète pas du tout le film, c'est n'importe quoi. C'est Love Actually. Voilà. Oui. Donc, le titre original, quand il était présenté à Cannes, donc d'ailleurs j'en parlerai après de Cannes pour ce film, était La forêt des songes, qui correspondait 100 fois mieux et qui correspondait à peu près au titre du film anglais. Donc la mer d'arbres, la mer d'arbres de Sea of Trees. La mer et la forêt, c'est intéressant. Non mais la mer, l'eau, la Sea of Trees. Bah oui, bah tu dis la mer. Ah oui, Trees, ah bah oui, Trees, les arbres, oui. Voilà. Ok, Tree of Life, tu vois, Tree of Life, oui. Si tu veux. Voilà. Je disais que la critique risque d'être un peu moins floue et confuse de ce que vous allez entendre, mais il fallait absolument que j'en parle. Parce que le film, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Mais tu vas le cracher ton morceau, bordel! Putain! C'est un des films qui m'a le plus marqué ma vie entière. Ah, et je ne mens pas en vous disant qu'en sortant de la salle, je me suis dit que ce film, que j'attendais quand même un petit peu, mais pas tellement non plus. Je me suis assis par terre et j'ai pleuré. Un peu. Les gens m'ont pris pour SDF, ils m'ont donné de l'argent. Voilà. Donc, ce film, il aurait pu détrôner l'Empire Contre-Attaque dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps. Donc, pour les nouveaux, j'explique. Pour moi, le meilleur film de tous les temps, pour moi, hein, personnellement, c'est l'Empire Contre-Attaque. C'est il faut que je le revoie avant d'annoncer ça vraiment, mais c'est parfaitement possible parce que ce film, je me suis pris une vraie claque. Le souci, parce que il y a quand même un souci, c'est que je pense que ce que je vais dire en fait sur le film, plus ce que j'ai dit dans ma critique, ça va faire finalement plus de mal que de bien au film, parce que vous allez vous attendre peut-être à quelque chose de dingue, alors que c'est pas forcément le cas, et vous allez peut-être voir plein de défauts alors que j'en ai pas vu. Et que je les verrai sûrement pas parce que je m'en fiche. Parce que voilà. Non, mais c'est intéressant. Mais non, mais attends, au bout d'un moment, tu dis oui, vous allez avoir des défauts. Mais peut-être qu'à tes yeux, le film n'en a pas. Et, non, parce que les gens pensent qu'il y a des défauts que le film en a forcément. Hein. Je pense que justement, le film est très mal parti. Il a été hué à Cannes, il me semble. Hein. Exactement. Mais est-ce que Cannes, c'est le meilleur public pour nous? Oh bah non. Pas sûr. Ça se saurait. Je suis pas sûr. J'adore le festival de Cannes. J'adore. Même là, on est en plein dedans. Et j'adore le festival de Cannes. Mais je pense pas que le public cannois soit le plus. Légitime, c'est quand même des gens qui se regardent le nombril. Faut dire ce qu'il y a aussi. Hein. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, j'allais juste en parler après. Bon, de toute façon, je peux en parler directement. Donc, il a été sifflé, hué à Cannes, etc. Tout le monde déjà hué un film. Il a craché. Un film, je trouve ça complètement. Ouais, voilà. Pour moi, un film, c'est une œuvre d'art. Le réalisateur, il a voulu faire passer c'est un truc. Ils avaient sifflé Tree of Life, sauf que Terrence Malick, il vient pas à lui. Donc, il a eu la palme d'or. Dire qu'il a eu la palme d'or en plus. Et là, pour le coup, la carotte qu'il leur a mise, ça me fait trop plaisir. C'est trop bien. Ouais. Donc voilà, vous savez ce que je pense du Festival de Cannes, je l'ai déjà assez dit. Je suis dans les parents cinéma de l'année dernière, etc. Voilà. Je m'en fiche un peu de tout ce que tout le monde dit sur ce film, puisque pourquoi je vais au cinéma, pourquoi je regarde des films, c'est principalement pour ressentir des émotions. Et c'est exactement ce que ce film a procuré, mais à un degré où je pense que c'est même pas imaginable. Donc voilà. Donc le film est réalisé par Gus Van Sant, je ne l'ai même pas dit je crois. C'est le dernier film de Gus Van Sant, il est sorti en France le 27 avril 2016 et il n'est toujours pas sorti aux États-Unis d'ailleurs. comme quoi ça a fait effet justement le fait de oui. que ce soit Alors lié que à un festival quand de même. Cannes, voilà. On retrouve à la distribution Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts, ce sont les trois personnages principaux, donc voilà. Donc je parlais rapidement de la mise en scène, c'est filmé avec une véritable poésie, une délicatesse. La mise en scène sert vraiment le propos pour raconter l'histoire, juste avec des cadrages, des mouvements de caméra, des compositions de plans, tout en subtilité. Juste l'exemple parfait, c'est la première scène où il n'y a pas une parole, il y a juste la musique plus la mise en scène qui sert parfaitement le propos, on comprend parfaitement ce qui se passe et on sait exactement ce qui va se passer et c'est vraiment très très bien fait. Il utilise le flou et le focus de la caméra super, enfin de manière ouais, je sais on n'en parlera pas il utilise vraiment très très bien. Mais tais-toi toi, pardon, il y a le chat qui pète un câble à côté. C'est désolé, pas grave, c'est pas grave. Cette technique, elle paraît toute simple sur le papier, en fait, faire un flou, ça a pas l'air super compliqué, mais en vérité, ça demande un grand savoir-faire pour la maîtriser, et c'est ce qui fait à la perfection Gus Van Sant, parce que d'ailleurs, il y a des plans, on se demande vraiment comment il a pu il a pu maîtriser ses techniques à un point, c'est juste dingue. D'ailleurs, cette technique de mise en scène lui permet de représenter parfaitement l'état d'esprit et les émotions du personnage principal. Les décors sont magnifiques, c'est magnifique, mais en même temps, c'est très anxiogène. D'ailleurs, on le ressent dès la première image, où on voit c'est véritablement cette mer d'arbres, où on la voit balloter comme on pourrait voir balloter la mer. Donc, oui, en fait, j'ai même pas parlé du synopsis. Donc le synopsis, rapidement, c'est dans la forêt d'Aokigahara, au pied du mont Fuji, l'américain Arthur Brennan, qui est venu se suicider parce que c'est une forêt qui existe au Japon. Oui, oui. Où les et, gens se suicident. Les gens se suicident vraiment, enfin c'est vraiment un lieu qui est connu pour ça. Il paraît que c'est la forêt la plus hantée du Japon. Ouais, voilà, donc il y a pas mal d'histoires, de folklore, etc. japonais là-dessus. Comme beaucoup de personnes avant lui dans ces lieux, alors qu'il a trouvé l'endroit qui lui semblait idéal, il aperçoit au loin un homme blessé et perdu, et assailli par un sentiment d'humanité irrépressible, Arthur décide de se porter à son secours, alors qu'il s'était décidé à mourir, il va aider un homme à survivre. Donc voilà, ça c'est le truc de base, ça va beaucoup plus loin, les acteurs sont très très bons dans le film, Matthew McConaughey, Ken Watanabe et Naomi Watts sont excellents. J'ai pas pu me concentrer pleinement sur le jeu d'acteur en même temps, quand on est plongé dans un film, on n'est pas vraiment super attentif à tous les détails, ils ont réussi à faire leur boulot parfaitement, ils m'ont fait passer toutes les émotions possibles qu'ils devaient faire passer, donc voilà. L'histoire, c'est dur d'en parler sans en spoiler, mais je vais absolument pas vous spoiler le film, donc je vais faire très court, enfin je vais essayer de faire sans vraiment parler. Donc l'histoire est vraiment splendide, prenante, envoûtante, enfin tous les adjectifs qualificatifs que vous pouvez trouver. Il aborde avec beaucoup d'intelligence des thèmes aussi variés que l'amour, la mort, la dépression, l'égoïsme, l'alcoolisme, les problèmes de couple, la nature et la réconciliation avec celle-ci, etc. etc. L'ambiance s'installe petit à petit, le film a un rythme plutôt lent, mais personnellement je me suis pas ennuyé une seule seconde, j'étais scotché à l'écran, passionné de bout en bout par l'histoire qui réserve son lot de rebondissements, en fait, suspense et révélations qui sont vraiment excellents et surprenants et qui m'ont vraiment touché. La plupart ne diront pas ça, et beaucoup ne le disent pas d'ailleurs dans leurs critiques, et diront plutôt « Ah mais je l'avais vu à 100 km, le twist, t'es vraiment trop bête d'avoir pas pensé à ça quand même ». D'abord, je suis pas objectif devant le film, donc du coup, peut-être que vous l'avez vu comme ça, moi je l'ai pas vu comme ça, et... En plus, quand on est à fond dans une histoire, comme je le disais pour les acteurs, qu'on vous la raconte remarquablement bien et que vous êtes emporté par toutes les émotions que vous procure le film, vous êtes comme le personnage principal, vous ne pouvez pas regarder de l'avant et vous devez vous concentrer sur le présent, sur ce que vous vivez à l'instant T et non ce qui va arriver. D'ailleurs, c'est justement ce qu'on ressent devant le film, enfin ce que j'ai ressenti devant le film, c'est exactement ce que ressent le personnage principal. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai autant apprécié ce film d'ailleurs. L'histoire de A à Z m'a vraiment plu, les dialogues sont très bien écrits, les personnages sont vraiment bien développés. J'entends le chat d'Eddie n'est pas d'accord. Hein. le chat n'est pas d'accord. Désolé, mais il fait le con là, et il me saute dessus, il a envie de jouer. Désolé. C'est pas grave. Quand je suis sorti de la salle, j'avais vraiment les jambes sciées, le corps tremblant, les sueurs froides qui me parcourent dans la colonne vertébrale. Le film, j'ai vraiment vécu, pleinement ressenti. Mais c'est bizarre quand même, parce qu'on n'a pas l'impression pourtant. Mais voilà, c'est complètement. Mais c'est ce que je te dis, c'est complètement personnel. Je Comment pense que ça, on je n'a pas suis. l'impression, de la manière dont il parle, tu n'y es pas Mais non, mais c'est convaincant? que ça a l'air tellement banal en fait comme histoire, c'est ça qui me surprend surtout. Et c'est peut-être banal, mais voilà. Et comme quoi, oui, En hein, des fait, fois je... ça tient à rien, hein, Voilà, beaucoup de mais films. tu vois, c'est genre, c'est comme les personnes qui sont peut-être les seules au monde à aimer un film, enfin, à vraiment l'adorer à un point où on peut même pas comprendre. Tu vois, ça existe. Et du coup, moi, je pense Oui, que il y je a suis. des films qui te touchent de Voilà. façon très personnelle. Bon, je vais reprendre, c'est pas pareil, parce que le film a été adoré, mais Gravity à l'époque, vous le savez, hein, du coup, Gravity, il a été adoré, il a été adoré, mais moi je l'ai adoré plus que les Oui, autres pour bah les oui, raisons que voilà. vous savez, vous avez lu il y a pas longtemps, Il y en a quelques plein qui jours. lui foutent sur la gueule à Gravity. Exactement, mais moi, il y a des films qui touchent pour des raisons encore plus uniques, c'est pour Voilà, ça que le c'est ça. cinéma c'est bien. Ouais. Mais après, je pense que ceux qui n'ont pas aimé Nos Souvenirs, qui crachent dessus, moi je peux pas me positionner, j'ai pas Oui, vu. bah oui, Diront mais. peut-être d'Axel, mais t'es pas objectif, t'es trop subjectif. Mais le cinéma, Bah, c'est une affaire voilà. subjective avant tout. C'est ça. Donc, du coup, mais. Tiens, The Tree of Life est dit par exemple. Il fait pas l'unanimité, The Tree of Life, Ah contrairement non, à clairement Gravity. complètement. Complètement. Donc, Ouais, donc voilà. quand même, voilà. Donc voilà, je suis peut-être un des seuls à Mais je avoir veux le voir, il autant m'attend, bien vécu le sûr. film comme de cette manière, mais voilà, moi je m'en fiche, hein, j'ai eu mon expérience, je suis content, voilà. Donc c'est le film j'ai vraiment vécu, que ce soit au niveau physique ou psychologique. Bah, d'ailleurs, rien que dans, enfin, j'avais pas ressenti ça depuis un film que je vais citer, mais que je sais que Morgane n'apprécie pas énormément. Mais du coup, on va vite passer dessus parce que sinon on va passer des heures à en parler. Mais il faut que je le cite parce que j'ai pas d'autre échelle sur laquelle me baser. Donc, le dernier Ça, film en qui. fait, ça a un petit peu bugué, donc du coup, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Ah, bah en fait, j'ai dit que je vais parler d'un film que t'apprécies pas énormément, que je sais que tu n'apprécies pas énormément. Mais on va vite passer parce que sinon on va passer des heures à essayer d'en parler, etc. Donc voilà. Mais il fallait que je le cite pour avoir une échelle par rapport à laquelle la comparer. Parce que un des derniers films qui m'a pas fait autant d'effet, enfin qui m'a presque fait autant d'effet, c'était Black Swan, que je considère comme un chef-d'œuvre, mais on va pas s'étendre là-dessus. Voilà. Bref, vous avez compris que si je pouvais vous révéler les différentes twists, j'en parlerai Mais encore pendant des heures. tais-toi! Hein? Oh. Ah bah! Il est chiant! Non, mais je parle au chat, mais il est infernal! Mais du coup, j'ai compris. J'ai compris, moi, maintenant. Enfin, De quoique. quoi? T'as compris quoi? T'as parlé de twist Black Swan, t'as fait un lien. Non, non, non, non, non, Ah, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord, Non, du coup, c'est je au suis. Bah, du niveau coup, j'ai compris. du ressenti du film. Ah, Ça, ok, d'accord. non, non, j'ai dit en Bah, Black fait. Swan, ça m'avait scié les pattes, moi. Ben voilà, justement, moi c'est exactement le même ressenti que j'ai à fois 100 que j'ai ressenti devant Sea of Thieves. Donc voilà. D'accord. Mais en plus, Black Swan, je l'ai pas vu au cinéma et je regrette tellement de ne pas l'avoir vu au cinéma. Donc voilà. Je disais justement, vous avez compris que si je pouvais vous parler des twists, eh ben j'en parlerai encore pendant des heures, mais je vais pas le faire. Voilà. Donc, encore un mot rapide, je vais vite finir, sur la musique qui est magnifique, vraiment splendide, que ce soit la musique originale de Mason Bates. C'est d'ailleurs sa première BO, mais c'est un compositeur assez connu dans le classique, etc. Mais c'est vraiment excellent. Ou les différentes musiques utilisées dans le film, toutes s'accordent parfaitement à l'ambiance des scènes. Voilà, pour un voyage vraiment qui est lyrique, sensoriel, voilà. J'ai fait de mon mieux pour retranscrire les sentiments que j'ai ressentis devant le Oh, mais t'as film. réussi. Bah, comme j'ai dit, pour moi, il s'agit d'un des meilleurs films que j'ai vus de ma vie, franchement. Il a vraiment résonné avec moi. Alors, je vous rassure, je l'ai dit dans ma critique d'ailleurs, je suis pas un dépressif suicidaire, hein, je vous la rassure. Même si ça parle de suicide, c'est pas pour ça que le film m'a plu. Voilà. Mais le film m'a profondément touché, comme peu ont su le faire à ce niveau. Donc, en fait, je sens déjà le truc venir, donc je préfère le dire. Je sens que ça va être comme pour Au-delà des montagnes, pour toi, Morgane. Et par rapport à moi, tu vois. Tu me l'avais tellement vendu que moi je m'attendais à un truc mais énorme que je pouvais pas m'imaginer. Et du coup, c'était un film que j'ai apprécié mais que j'ai pas autant aimé. Donc du coup, je sens que ça va être le même effet sur vous deux si vous le voyez. Donc voilà. Bah oui, parce que c'est vrai que oui, mais d'un côté, au-delà des montagnes, bon, je vais pas le défendre, mais si, mais il a eu Tu quand peux même complètement. Moi je le défends côté hein, parce qu'il est. critique, il a été quand même bien encensé, Ouais. mais là, du coup, t'es un peu le contrepoint. Parce que et quand même majoritairement Nos Souvenirs se fait défoncer. Toi, tu apportes un avis plutôt plus que positif. Dithyrambique encore plus que Du coup, dithyrambique. mais du coup, ça donne envie. Donc du coup, ça rééquilibre un peu la balance. Ouais. Et donc parce Non, que mais, ouais. son avis est tellement plus que positif que du coup il suffit à lui-même pour rééquilibrer. Ouais. Mais j'ai vraiment peur que ça, voilà, que ça. Non, parce que je vais pas en attendre des masses. Mais ouais. Du coup, tu m'as rendu curieux, sans mm-hmm. pour me dire ah ouais, je vais voir un truc. Je suis curieux de voir ce qui t'a autant transporté. Je pense que c'est plus ça, en fait, hein, ouais. la démarche. Mmh. D'accord. Voilà, donc j'ai dit ce que je pensais du film. Vous imaginez que c'est déjà mon numéro 1 dans le top 10. Il n'y a pas de surprise. Alors, si je vois un autre film qui me fait autant d'effet cette année, je serai encore plus content parce que, voilà, bon, ce sera un peu dur de les départager, mais je serai encore content parce que j'aurais vu de très bons films. Mais voilà, donc je voulais absolument vous en parler, même si... beaucoup n'ont pas ressenti la même chose et je les comprends, hein, vous avez totalement le droit de ne pas ressentir la même chose que moi devant ce film. Et voilà, comme moi j'ai le droit de ressentir ce que je veux devant le film. Et je vous emmerde. Et je vous emmerde, voilà. Je fais mon vieux cognon. Voilà, donc c'est fini. Pour la Select, c'était très très long. On a fait 2 heures de... Mais j'arrive pas à y croire. on aurait dû faire 1h30 de podcast, mais voilà. Et on va encore reparler là pendant... Enfin, je pense pas, mais puisque... On va faire... Je sais pas, parce que finalement, c'est toujours pendant les coups de cœur, coups de gueule qu'on parlait beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'on parle beaucoup de films. Et ça amène beaucoup de sujets. Puisqu'on compare à d'autres films, etc. Donc voilà. Voilà, on passe à la rubrique du film du mois sur Captain America Civil War. Donc, on est au film du mois, la rubrique du film du mois. Ils vont vous parler de Captain America Civil War, ou Captain America La Guerre Civile en titre québécois. Donc, c'est réalisé par Anthony Edgerusso qui avait réalisé Captain America Le Soldat de l'Hiver il y a 2 ans. Voilà. Ouais. C'était d'ailleurs même en avril, je crois, qu'il était sorti. C'est sorti en France le 27 avril 2016 et c'est toujours... Ah non, si, c'est sorti aux États-Unis, mais c'est sorti le 6 mai 2016 aux États-Unis. Ouais, donc, on l'a vu avant, non ? Ouais, d'ailleurs, tu étais à l'avant-première, donc tu pourras peut-être en parler. Oh, ouais. Oui, rapidement. Hein. au niveau du casting, vous retrouvez tous les personnages de Avengers, tous les personnages que vous avez vus dans tous les films Marvel, donc ça commence à devenir dur parce que j'imagine déjà dans quelques années on va vous parler des prochains films Avengers où il y aura 60 acteurs avec 60 personnages. C'est devenu à la manière d'une série télé en fait. Voilà. Vraiment, hein. Donc, on a nos feux de l'amour à nous. Avec des super avec des pouvoirs et des super-héros. c'est quand même un peu plus intéressant. Enfin bon, après, ça. Voilà, ça dépend, mais moi personnellement. Non, mais les feux de l'amour, c'est intéressant pour personne. Si, il y a des gens qui regardent, ça quand continue. Quand t'as 75 donc, ans. Voilà, c'est sûr. Si t'as commencé quand t'avais 25 ans, et ben tu suis. 75 ans. Donc voilà. Vous retrouvez Chris Evans, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily Van Camp, Jeremy Renner, Robert Downey Jr., Don Cheadle, Paul Bettany, Scarlett Johansson, Chadwick Boseman, Tom Holland. Voilà. J'ai à peu près tout dit. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai pas vu le film. J'ai lu le comic Civil War, donc je sais à peu près ce qui se passe. Mais je veux pas me faire spoiler non plus parce que peut-être qu'il y a des différences, on sait pas. Voilà, je vous laisse présenter le film, sachant que c'est le premier film de la phase 3 de Marvel qui commence avec ce film. Voilà. Et le 13e de l'univers entier. Voilà. Et ben, commence bien cette phase 3. Moi, je trouve. Ouais. Moi, j'ai vu le film. Il va, hein, direct. Mais non, mais c'est vrai, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je trouve qu'il commence bien cette phase 3. Voilà. Ouais. Si tu veux commencer, vas-y, je t'en prie. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'est un excellent film. Ouais. Je pense à mes yeux, l'un des meilleurs Marvel de toute façon. Ah ouais. Et Gardien de la Galaxie par rapport à ça ? Oui, j'ai préféré le Gardien de la Galaxie parce que c'était plus fun, mais je veux dire, là, au niveau du scénario, des enjeux, j'ai trouvé que ce film-là était plus intéressant. Plus intéressant qu'un Avengers aussi, finalement. Ouais, mais d'ailleurs, tu avais des. Ça s'appelait Avengers 3, hein, d'ailleurs. Ouais, complètement. Je suis pas d'accord avec ça. Tout le monde me dit ça, mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve que ça reste quand même Captain America. Non, mais en fait, je suis pas d'accord aussi, mais je fais ça pour. En gros, pour. Parce qu'en fait, je lis aussi tout le temps ça, mais je suis pas d'accord non plus, donc t'inquiète pas. Parce que. non, c'est pas. Si c'était Avengers 3, on aurait tous les Avengers. Et là, non, non, ils sont pas tous là. Donc, il y a pas ça déjà. Il y a pas Hulk, il y a pas Thor, il y a pas. Bon, c'est les deux seuls qu'il y a pas, mais. mais ça fait déjà beaucoup. Hein. Voilà, mais pour moi, c'est pas un Avengers 3. Ouais. C'est vraiment un Captain America 3. Ouais, ça fait parce très que... Captain. Parce que déjà, c'est très Captain. Déjà, d'une, oui. Et puis, parce que c'est vraiment centré sur son personnage à lui. Ok, il y a Iron Man qui est très présent aussi, mais le film, c'est Captain America. Donc non, c'est pas Avengers 3. Et puis voilà, moi je trouve le film très intéressant par rapport... Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Ah pardon. Je trouve le... Ok, d'accord. Je trouve le film très intéressant par rapport aux enjeux. Alors ouais. Évidemment, bah justement, t'avais peur au niveau des enjeux parce que on en a parlé. J'avais peur que ça soit très artificiel en fait, ouais. Et que ça soit juste un prétexte à pas grand chose, et c'est pas du tout ça, ouais. Donc c'est très bien. Donc c'est cool, ça c'est. Ça, ouais, ça, non, ça non, franchement, bien comics, c'est vraiment le cœur du film, et après, t'as toutes les sous-intrigues à côté qui sont intéressantes aussi, bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que le cœur du film, c'est vraiment cette lutte pour savoir si oui ou non les super-héros doivent, les actions des super-héros doivent être contrôlées, en ouais. gros. Et c'est vrai qu'évidemment, ça fait beaucoup écho à ce qu'on vit actuellement, quoi. Et justement, Batman v Superman, en plus, c'était à peu près le même. Et bah, le truc, c'est que moi personnellement, qu'il a fait mieux, ouais. Je trouve que Captain America réussit partout où Batman v Superman ne fonctionne pas. D'accord. Pourquoi les comparer? Mais je sais, c'est non, vrai mais... qu'on devrait pas le faire, mais ils sont mais sortis, ils sont sortis. Le sujet, même s'ils sont sortis oui. en même temps, le ils sujet sont en même temps est et quand les même sujets similaire. Touchent. Voilà. Le sujet oui, non, est quand mais même non, similaire. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est, donc, c'est pas bien de les comparer, mais non, ça a pas la même ambition, mais du coup, je voilà, trouve que même si Civil War a une ambition différente de celle de Batman vs Superman, que c'est peut-être un petit peu plus humble, parce que Batman vs Superman, c'est quand même c'était un gros blockbuster, etc. C'est le gros blockbuster, c'est lancer une franchise. Enfin, il y a plein de choses. Captain America, c'est pas un film indépendant non plus. Hein, mais... Captain America, c'est déjà un film au sein d'une franchise qui est quand même bien rodée. Hein, ouais, 13 films ils ont, déjà. Hein. Ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Bon, c'est quand même une franchise qui entame sa phase 3. Ouais. Ce qui est pas rien, hein, franchement. Je ouais. sais pas s'ils pensaient aller jusqu'à la phase 3 quand ils ont sorti Iron Man en 2008. Non, je pense pas. Je pense qu'ils avaient prévu juste la phase 1 et après ils allaient voir si ils ça allaient ouais, jusqu'à ouais. Avengers et après exactement, ils voyaient. Ouais. Et du coup, je trouve que le film fonctionne très bien et qu'il fonctionne mieux que Batman vs Superman parce que ces personnages, on les connaît tout simplement. Bah oui, ouais. Et c'est ça, hein, c'est bah, la clé. C'est tout, hein. C'est tout bête. Hein, c'est voilà, c'est tout bête, mais c'est la clé de la réussite de ce film, c'est que ces personnages-là, on les connaît, donc forcément, on s'inquiète pour eux, forcément, on y en a qu'on préfère à d'autres et on s'identifie à eux et voilà, etc. Et c'est une chose qu'on n'a pas pu faire dans Batman vs Superman parce que on les connaît pas assez. C'est peut-être un Batman, mais c'est pas le Batman de chez Nolan. C'est encore un nouveau Batman, donc automatiquement, voilà, ça remet plein de choses en cause. Mais moi je trouve que du coup Captain America fonctionne très bien de ce côté-là et que et ce qui est très intéressant et c'est vraiment sur ce point-là que je salue le film, c'est que bon en plus d'être un bon divertissement parce qu'il y a des super scènes d'action, il y a une scène de course-poursuite franchement elle vaut le détour. Moi, ça me fait penser que bah il y avait déjà une scène de course-poursuite qui déchirait dans le deuxième. Ouais, ouais. Mais là elle est vraiment bien parce qu'elle est pas qu'avec Iron Man. à l'époque avec Batman, avec Captain America, putain, moi je me mélange les pinceaux avec tous ces héros. Et ce que je trouve surtout très très bien dans le film, c'est qu'à côté de sa dimension divertissante, et c'est très bien foutu, hein, les visuels sont extra, c'est très très propre partout, c'est que l'émotion fonctionne, déjà d'une part, et ça c'est bien, et c'est un film qui laisse de la place à chaque personnage. Parce qu'on pouvait en avoir peur, hein, parce que là, c'était. Ouais. Je crois que c'est un des premiers films où il y a autant de personnages, en tout cas, parce que même. Il y a autant 2, de personnages c'est... et ils ont tous un rôle important, en plus, c'est ça le truc. Alors, même si t'en as, évidemment, qui viennent qu'à un moment précis, parce que tu sens bien qu'ils sont plus secondaires, mais je veux dire, là, t'as quoi? T'en as un, deux, trois. T'en as bien 5-6 qui quand même ont des rôles importants et, et franchement ils sont tous traités intelligemment quoi. D'accord. Les 2h27 de film elles passent très bien si on apprécie ces personnages là bien sûr. Mais moi franchement j'ai vraiment passé un excellent moment. C'est peut-être un petit peu long à démarrer d'accord mais hormis ça non franchement il y a pour moi il va être dans mon top de l'année. Ah ouais Carrément. Ouais. Ah ouais, oh, ouais, parce que j'ai vraiment apprécié. Hein. C'était une super séance et ouais, c'est un arc de chez Marvel qui est très intéressant. Ah ouais, putain. Donc, ouais, j'espère que ça va donner. Attends, et que Gardien de la Galaxie, c'était pas dans ton top en 2014. Hein. Il était pas. Non, t'avais mis non. X-Men. Eh, parce que j'avais préféré X-Men. Ouais, bon. Mais je préfère X-Men à ça aussi. Mais bon, après, on n'est pas rendu à la fin de l'année, mais pour le moment, il y est. D'accord, ouais. Voilà. Et si du coup c'est les frères Russo qui œuvrent sur les prochains Avengers, donc c'est la partie 1 et la partie 2 de Infinity War, donc voilà. Voilà, donc ça peut être très bien. Moi j'ai juste peur des combien 60 super-héros. Enfin là j'ai dit un chiffre au pif, mais d'ailleurs je crois que c'est encore plus, mais ouais. Donc il y aura pas mal de super-héros apparemment. Mais ça va être introduit à partir de la première partie, je pense que ce sera plus dans la deuxième partie où il y aura un Globibulga, etc. Voilà, de super-héros. Ça peut fonctionner comme ça peut complètement se planter. On verra bien. Mais de toute façon, à la ils ont déjà prévu la phase 4 et ce sera complètement différent parce que ces deux prochains films marqueront la fin de certains super-héros. C'est annoncé clairement, Marvel le dit clairement, donc je spoil rien. Et même je suis pas chez Marvel, donc je connais pas l'agenda, mais voilà, ce sera complètement. On sait bien qu'Iron Man n'est pas supposé revenir. Voilà. Hein, voilà, donc Captain America non plus. Voilà, donc ce sera table rase sur tout ce qui a été fait sur le passé et ils veulent recommencer nouveau. Ça peut très bien. En tenant compte de ce qui. Ouais, en tenant compte de ce qu'il y a eu, bien sûr, ils vont pas faire un reboot, mais l'univers aura changé. Ils vont pas ignorer l'univers aura changé. Les trois premières phases, je veux dire. Mais ce sera de nouveaux personnages, de nouveaux voilà, de nouvelles mécaniques, etc. Voilà. Ah oui, mais d'accord. Oui, mais je veux dire, ils ignorent pas les trois premières phases. Non, pas du tout, pas du tout. Il y aura des trucs qui se passeront dans Infinity War. Je sais pas ce qui va se passer, mais apparemment, ça va apporter beaucoup de changements. Alors, peut-être que c'est juste une annonce de com. Mais moi personnellement j'y crois pas mal et ça a l'air vraiment bien ce qu'ils ont prévu en tout cas, voilà. Après juste au niveau du casting, bon bah c'est pareil, je trouve que ça fonctionne bien. Bon bah après c'est des acteurs qui voilà qui sont quand même dans des rôles qu'ils connaissent très bien. Que ça soit Chris Evans, Robert Downey Jr. ou même Scarlett Johansson en Black Widow, bon bah c'est voilà, ils sont des personnages qu'ils connaissent et donc ça fonctionne. Moi j'avais déjà beaucoup aimé malgré le film que j'avais trouvé un peu faiblard, j'avais beaucoup aimé Elisabeth Olsen dans Avengers, Scarlet Witch. Elle est super, elle. Elle est vraiment très très bien. Elle est très bien. Elle était très bien dans Avengers, hein. Elle était très bien dans Avengers justement, alors que le film moi j'ai trouvé plutôt moyen. Et là je trouve que elle est très bien aussi dans celui-là. Elle est très intéressante. Comment il s'appelle ? Tom Holland. Tom Holland en Spider-Man, bon, c'est fun, quoi. Et ce Spider-Man a l'air, sans spoiler, il a l'air sympathique. Donc, bon, on va voir donc ce que ça donne. On l'avait bien, enfin, sans spoiler, mais c'est bien un Spider-Man plus jeune, moins expérimenté. Ah, bah, c'est un ado, quoi. Voilà. C'est même. On y reviendra. Il est même plus jeune encore que Tobey Maguire. Dans les premiers. Oui. Par contre, c'est vrai que Marisa Tomei en Tante May, c'est vrai qu'elle fait un peu pin-up de chez Playboy, mais bon, ça. Apparemment, j'ai cru voir ça. Mais je trouve que c'est moins crédible, mais après, c'est vrai que ça n'a jamais été écrit dans la pierre que Tante May était censée. Ouais, déjà. Et après, la Tante May de The Amazing Spider-Man, je la trouvais aussi. Enfin, c'était pas vraiment. Mais pour moi, c'est la meilleure. Hein. Dans The Amazing Spider-Man. Moi, ma préférée, c'est la Tante May de Sam Raimi. Bah oui, complètement. Parce que je trouve qu'elle est très, c'est celle à qui je m'attache le plus. L'émotion. Mais objectivement, je pense que la meilleure, c'est celle de Amazing Spider-Man. Je pense que c'est celle qui se rapproche le plus. Je trouve absolument. Moi, je trouve que Sally Field, elle est très bien en Tante May. D'accord, ok. Bon. Mais objectivement, je pense que c'est la meilleure. C'est pas celle que je préfère, mais je pense que c'est la meilleure. Par contre, celle que je préfère, oui, c'est celle de, oui, je sais plus comment elle s'appelle. Moi non plus, mais. C'est celle Rosemary Harris. Voilà, dans Sam Raimi, c'est la plus attachante. C'est la plus, complètement. Ensuite, Daniel Brühl, on le voit aussi, il a un rôle intéressant. J'arrive pas à retrouver l'acteur. Paul Bettany. Quel personnage. Alors, Paul Bettany, c'est Vision, donc très bien. Avec ça. Tu cherches quel personnage? Je cherche Black Panther. Ah, Chadwick Boseman. Voilà, Chadwick Boseman, qui est très très bien. Ah, j'ai vraiment, j'ai vraiment envie de voir le film. Il est bon, le personnage. Ouais, c'est très intéressant. Et, ouais. Mais moi c'est le personnage que j'attends le plus de ce film. Donc, du coup, j'espère ne pas être déçu, mais apparemment, c'est pas le cas. Après, Anthony Mackie, pareil, je sais plus comment il s'appelle. Le Faucon. Sam Wilson. Ouais, pas de sushi pour les Mackie. Merci. C'est la fin de la soirée. Enfin, non, pas vraiment. Bah voilà, William Hurt en Général Tadeus, ouais, mm-hmm. Pas de problème non plus. Donc voilà, quoi, ils sont tous très bien. Et puis même Scott Lang, enfin Paul Rudd en Scott Lang, moi je le trouve. Il y a Martin Freeman. Oui. Il y a Martin Freeman, ouais, qui joue. Everett Ross, mais je sais pas. Bon, il a un petit rôle, hein. Oui, il a un petit rôle. D'accord, d'ailleurs, le personnage de... Bah non, allez, vas-y, termine, je le dirai après. Ouais, de Ant-Man. Ouais, en fait, je trouve que le personnage est beaucoup mieux traité ici, oui. en un quart d'heure que dans le film. Mais j'avais bien aimé Ant-Man. Bien aimé, ouais. Mais c'est bon, on sent que c'était clairement un Marvel mineur, Ant-Man. Bah, il y a eu tellement de problèmes Et ça aurait pu être un Marvel majeur si ça avait été. En plus, il devait sortir avant Avengers, c'est pour ça qu'il est sorti après Avengers et tout le monde s'en foutait. Comment il s'appelle l'autre là qui devait le réaliser? Que t'adores là. Edgar Wright. Voilà. Apparemment, ça aurait été autre chose. Bon, je sais pas. Je connais moins son cinéma. Mais moi, j'avais trouvé ça fun, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec Ant-Man, ils peuvent se permettre plein de trucs au niveau de la mise en scène. Et ça fonctionne bien. Ils se permettaient pas mal de trucs dans le film sur Ant-Man. Et là, ils se permettent encore plein de trucs. Enfin, c'est vachement bien. Et du coup, c'est plus beau. Ça a plus de gueule que dans Ant-Man. Ouais. Parce qu'Ant-Man, parfois, c'était un petit peu moche, des fois. Hein. Ouais, ça se sentait. Hein. C'était... Alors que là, non, c'est très bien. Ok, d'accord. Et puis, du coup, si, quand même, Sebastian Stan en Winter Soldier, il est extra, quoi. Ce mec, il a vraiment. Puis, il a une tronche en plus qui passe bien, il a un charisme. Donc, non. C'est vraiment une bonne troupe d'acteurs. Et puis, c'est vrai que chaque personnage a vraiment du temps à l'écran, donc ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est marrant d'ailleurs, parce que Martin Freeman, ce sera la troisième franchise où il est avec Benedict Cumberbatch, finalement. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Sherlock, Hobbit, et maintenant le Marvel Universe, voilà. Bon, même s'il joue un personnage un peu moins important. Voilà. Morgan, donc toi, tu es allé à l'avant-première, donc tu as rencontré les acteurs, voilà, tu fais ton VIP. Je les ai rencontrés, non. Monsieur fait sa star. Je me suis dégonflé parce que... T'as même pas fait d'interview pour Movies Nerd, franchement, t'aurais pu le faire. Non. Alors, en fait, j'avoue, je me suis un peu dégonflé par rapport au tapis rouge, je l'ai finalement pas fait. Oui. Parce que je ne suis pas assez fan de Robert Downey Jr. Mais un certain Quentin l'a fait. Oui, il l'a fait, il a été très patient. Machine. Voilà, moi j'ai pas eu la force. Ça aurait été pour un autre acteur, je pense. Ça aurait été pour X-Men, par exemple, Michael Fassbender. Par exemple, un exemple au hasard. Je parle de Michael Fassbender. Ty Sheridan. Non, mais lui, je couche devant sa porte d'hôtel et même dans sa chambre s'il le souhaite. Non, voilà. Ouais. C'est vraiment la personne qu'il faut pas aborder en ce moment. C'est glauque. Ah non, mais c'est glauque ce que j'ai dit. En fait, c'était dans le sens c'est pour ça qu'il faut pas aborder en ce moment, parce que c'est toujours très mal interprété. Du coup. Non, mais tout ça pour dire que ça dépend des acteurs. D'ailleurs, par rapport à Michael Fassbender, il se peut, j'ai cru entendre, qu'une avant-première d'Assassin's Creed peut se faire. Et là, pour le coup, je suis prêt à arriver là à 5h du matin s'il le faut. Voilà, donc j'étais pas assez fan, et faire un tapis rouge au Grand Rex, je peux vous dire que c'est éprouvant pour les pieds. Donc j'ai préféré regarder le tapis rouge dans la salle. Et j'avoue, j'ai été porté par l'ambiance du film, parce que moi je suis un peu un néophyte, j'avoue, parce que t'as vu quand même pas mal de films. Ouais, mais j'ai pas tout vu, hein, finalement. J'ai pas vu Iron Man 1, j'ai pas vu l'Incroyable Hulk. Mais t'as pas vu les... Ouais, après Iron Man 1 et l'Incroyable Hulk, qui sont pas super... Comment dire, important. Iron Man, moi j'aime bien le premier. Ouais, Iron Man, il est excellent. Iron Man, c'est vraiment... Le deuxième, non, mais... Le deuxième, je trouve qu'on crache un peu trop facilement dessus. Il est pas excellent, mais il est pas non plus... C'est pas le pire, quoi, je trouve. Enfin, en gros, j'avais pas révisé un peu tout, et c'est vrai que j'étais un peu perdu, quoi. Donc j'ai été porté par l'ambiance, parce que je peux vous dire que ce qui était bien, justement, avec t'as tous les fans de Marvel. Alors non, tu as les fans de Marvel, mais intrinsèquement tu as les fans de Captain et d'Iron Man. Ouais. Chacun hurlait et tout, j'avais clairement l'impression de regarder un match au MPSG, quoi. C'est que ça, clairement, ça hurlait, ça faisait des hauts là, mais je vous, enfin des hauts là, j'exagère, mais ça faisait ouais, mais j'ai vécu le film. Donc, mais j'ai pas fait mon snob en disant oh, quel idiot. Non, non, j'ai pas fait mon télérama bobo. Hein. Mmh. Non, non, j'ai trouvé ça bien. Le film en lui-même, bon, je trouve que l'avis un peu plus modéré qu'Eddie. J'ai trouvé ça sympa, mais juste sympa en fait. Ce sera pas dans mon top, ce sera pas dans mon flop non plus. J'ai passé un super moment, mais il y a quand même des défauts pour moi qui me gâchent un peu, qui m'empêchent de dire que j'ai trouvé ça excellent. Il y a quand même une mécanique de Marvel que je trouve omniprésente, à laquelle effectivement je me suis habitué et je savais qu'en allant voir ce film-là, j'allais pas passer à côté. Je m'explique. L'affrontement Civil War, ou même, je trouve que toutes les scènes qui pourraient être un petit peu intenses, dramatiquement parlant, sont toujours désamorcées par voilà, les éternelles petites vannes entre eux, les petites punchlines. Coup, ouais, ça tu me l'avais dit quand on a enregistré. Ouais, mais moi ça me gêne pas. Hein. C'est ce qui m'a manqué dans Batman vs Superman. Ah bah non, justement, au contraire, heureusement qu'ils ont pas fait ça dans Batman. Du coup, j'ai préféré justement le l'affrontement dans Batman. Même si je suis pas fan du film, et j'ai envie de le revoir quand même. Mais après, je savais ce que j'allais voir, c'est-à-dire que j'attends plus énormément de profondeur chez Marvel. Enfin, dans les Marvel Studios, j'en attends plus de la profondeur. J'attends juste des beaux divertissements, des bons spectacles. Franchement, c'est ce que j'ai eu. Je me suis quand même amusé. Après, si je dois pointer des défauts, il y a des personnages que je trouve un petit peu effacés. En effet, Jeremy Renner, là, Jeremy Renner ne sert à rien du tout. Par contre, j'ai adoré Black Panther. Je trouve le personnage super bien amené, super bien introduit. Il est trop classe, Black Panther. Ce qui est génial dans le film, plus que les autres, moi, j'ai trouvé que tu ressens vraiment le côté planétaire en fait de cette équipe. Ouais, parce que c'est très centré New York. Enfin, surtout dans le premier. Après, c'est sûr qu'ils se déplacent genre dans la ville. Alors que là, ils vont un peu partout. Ils vont dans plusieurs pays. Enfin, il y a plein de. Donc c'est vrai que tu ressens vraiment le côté. Dans Avengers 2, ils allaient en Corée après. Bah en Sokovie là aussi. Ouais, Sokovie, ouais c'est ça. Mais ça c'est fictif. J'ai jamais entendu parler de ça. Je crois, enfin, je suis quasiment sûr que c'est fictif. Oui, il me semble, hein, parce que ça me dit rien à l'oreille. T'as pas ressenti ça, Morgane, toi, le côté, tu sais, on sent vraiment que l'action des Avengers, elle est planétaire, quoi. C'est pas comme quand tu regardes Avengers, qui est sorti en 2012. C'est pas que New York, ou voilà. Alors que là, tu sens vraiment, en fait, ils sont concernés partout, quoi. Enfin, au départ, je sais plus où ils sont, en Afrique, ou je sais plus quoi. Enfin, tu sens qu'ils vont un peu partout, et justement, ça ressort bien du film. C'est là que tu te rends compte que, finalement, c'est plus important que ce que ça en a l'air, quoi. C'est pas juste la bande de potes qui s'unissent contre des méchants dans un endroit bien précis. C'est que non, ils sont vraiment chargés d'une mission. Alors, je suis d'accord, et c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être un des films de la Marvel Cinematic Universe que je préfère, parce que pour la première fois, on parle aussi des civils, c'est-à-dire des gens. On le faisait dans Avengers 2 aussi. Hein. Ah bah moi je trouvais que c'était beaucoup plus lisse que là. C'était on plus lisse, vraiment, ouais, aussi. J'ai des conséquences qu'en gros le peuple dit non. Là t'as une super scène avec. Elle est très courte, mais puis bon, elle est pas dantesque la scène, mais elle est bien amenée, où t'as Iron Man qui est interpellé par. C'est Alfre Woodard qui s'appelle l'actrice, mais je connais pas. Enfin, elle joue une mère qui a perdu son enfant pendant une bataille qu'il y a eu entre les Avengers et d'autres. Et c'est la première fois qu'on voit ça chez Marvel. On voit quelqu'un, civil qui vient interpeller un super héros pour justement lui dire que voilà. Parce que justement, ça c'était très important dans le comics, parce que justement. Oui, on l'adopte, on a ce truc-là. Après, le petit souci que j'ai, encore une fois, c'est la mécanique Marvel avec laquelle, non pas j'ai du mal, mais j'aimerais. Ça m'emmerde, ça m'embête un peu. Oui, parce que, par exemple, la scène pour moi du film, c'est la scène sur le tarmac qui est juste. Là, pour le coup, c'est un des rares moments dans le film où, en matière de mise en scène, le film a proposé quelque chose. Je trouve qu'il arrive, parce que c'était un peu un pari fou de devoir faire interagir tous ces égos et de faire deux équipes, mais en même temps dans les deux équipes il y a des combats entre et la façon dont la mise en scène arrive à s'adapter à la force de leurs personnages. Parce qu'ils ont bien géré le nombre de personnages. Il y a une bonne gestion en fait de chacun, et ça c'est une des bonnes clés du film, je pense. Bah, du coup, s'ils arrivent bien à faire ça dans celui-là, je suis impatient de voir les deux autres. Et comment, Et ah ouais, mais là, ça va être plus dur, parce qu'il y en a, ouais, y en aura quand même sûr, beaucoup plus. Mais... hein. C'est un petit pas pour le début, après. Mais c'est aussi... Et comment la mise en scène s'adapte à la force, aussi à la faiblesse de ces personnages. Par exemple, Ant-Man, la façon dont la caméra bouge. Là, vraiment, la scène de l'aéroport, elle est juste incroyable. Ouais, elle est dans la salle, c'était vraiment la folie dans la salle, quoi. Je veux dire, ça applaudissait. Il y a un plan où, justement, il se rapproche et bon, en chantant. Et sans spoiler, l'arrivée de Spider-Man à l'aéroport, elle est aussi cool que ce que tu voyais dans la bande-annonce. Hein. Alors, justement, ça fait partie des défauts sur Spider-Man, je vais revenir. J'étais surpris parce que, alors, Spider-Man, il est sûrement comme dans le comics, peut-être. Je les lis pas, les comics, je les ai pas lus. Et j'y vais en tant que spectateur. Bah, dans le comics, il est quoi? Il est jeune, gauche et drôle, ouais, voilà. Quoi. Il fait des blagues un peu. C'est ça, ouais. Exactement. Justement, j'ai de problème avec le côté blagueur, mais comme je... Là, c'est complètement inscrit dans le personnage. Voilà. Donc, après. Moi c'est ce que j'attendais de ce Spider-Man. Donc, c'est pour ça que j'aime les films de Sam Raimi, parce que c'est pas tellement Peter Parker, c'est encore autre chose. Là, bon, peut-être que le personnage est comme ça, je le nie pas, et c'est très bien si les fans ont eu ce qu'ils voulaient, et visiblement le personnage plaît. Mais non, moi, puis bon, c'est vrai que bon, ce serait bien qu'il y ait quand même un Spider-Man qui maintenant remarche, quoi. Qui refonctionne au cinéma, parce que bon... Ouais, complètement. Parce qu'Amazing Spider-Man, ça a été un désastre industriel. Enfin, surtout le 2. Mais après, je veux dire, on pense ce qu'on veut de Tom Holland, mais bon, je pense qu'il a quand même bien fait le boulot là pour le film. Et j'espère que voilà, ça va marcher, quoi. Non, mais ça marche pour lui déjà, il a déjà son autre fan et tout, il n'y a pas de problème. L'acteur est très bien, le personnage est bien introduit, j'aime bien la scène d'introduction, mais après, c'est le personnage en lui-même. La scène d'intro est sympa. Je n'aime pas la façon dont je n'aime pas le personnage en tant que tel, mais en même temps il est comme dans les comics, donc j'ai que ma gueule à fermer de toute façon et j'ai pas le choix. Donc moi personnellement je n'aime pas le personnage, je le trouve totalement. C'est quoi en fait? C'est parce qu'il fait des blagues? Oui, voilà le côté. Puis, ouais, il parle tout le temps. Oui, mais parce que il y a l'effervescence. Enfin voilà, c'est la première. Enfin. Il débarque là-dedans, il est tout excité, enfin c'est ses premiers combats et tout, donc je trouve que c'est bien rendu, quoi. Ça fait partie encore une fois de ce que de là, enfin de. Moi, ce que j'ai bien aimé, avec ce Spider-Man là, c'est que t'as moins le côté benêt de Tobey Maguire dans. Mais c'est ce que je préférais, moi j'adorais là. Mais au bout d'un moment, c'est soudain. Et Tobey Maguire dans j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les deux premiers. De Sam Raimi, mais c'est vrai que Tobey Maguire, il fait vraiment niais dans ce film, un peu quand même. Même si j'aime bien le personnage, je le trouve attachant, mais c'est vrai que le côté niais peut rebuter, et j'avais pas envie de voir un mix des deux. En fait, j'avais pas envie de retrouver le côté un peu niais de Tobey Maguire, et j'avais pas envie de retrouver le côté, je fais mon beau gosse un peu de Andrew Garfield. Ouais. Là, t'as vraiment, t'as un nouveau Spider-Man, c'est pas un mix des deux, et c'est bien, justement. Non. Non, c'est pas un mix des deux. Oui, non, mais c'est très bien encore une fois. Maintenant, bon, par rapport au film de Sam Raimi, clairement, Peter Parker, c'est Sam Raimi. Enfin, je veux dire, il a mis de lui dans ce. Ouais, complètement. Donc c'est pour ça que j'aime, parce que là, il y a une relecture personnelle, une réadaptation du truc. Et t'as une vision d'auteur derrière. Une vision d'auteur. Et c'est peut-être ce que je préfère. Et c'est peut-être ce qui me manque aussi. Même si je vais plus voir les films pour ça, parce que bon, bah, je devrais avoir compris. Je vais plus voir les films Marvel pour me dire, ouais, ça va être. Pour ça, voilà, je vais les voir comme des popcorn movies, et c'est pas réducteur, c'est pas snob ce que je dis. Ouais. Je vais vraiment les voir en tant que tel, et je pense que les films n'ont pas d'autre ambition, clairement, que d'être ça. Franchement, j'ai pris du plaisir, je me suis amusé, c'est pas le divertissement film. Je continue de préférer Les Gardiens de la Galaxie, qui lui me surprenait. Oui, mais après, voilà, t'as le contre-exemple, ou voilà. Gardiens de la Galaxie. Et en fait, je l'aimais pas de la. Enfin, moi, Les Gardiens de la Galaxie, je le trouve tellement à part. Ben moi je peux pas le mettre à part, parce qu'il fait partie de la phase 2. Oui, bien. Ouais, mais bon, quand tu vois l'incidence qu'ils ont, les Gardiens de la Galaxie, mais non, sur mais la phase 2. Justement, je trouve. Ouais, d'accord, sur la phase 2, ok. Peut-être que c'était peut-être pas le bon moment de les mettre dans la phase 2. Peut-être qu'ils auraient dû attendre la phase 3. Non, ça faisait du bien, non, franchement. Mais c'est sûr que ça faisait du bien dans la phase 2. Voilà. Je pense que ça rafraîchissait un peu. Puis bon, faut bien les introduire à un moment ou à un autre. Voilà. C'est que du coup. Le seul truc qui cloche avec les Gardiens de la Galaxie, c'est que tu te dis, en fait, ils nous les ont sortis parce qu'ils voulaient les sortir, mais finalement, ils n'ont pas d'incidence sur la phase 2. Mais justement. Bah, si, par rapport à Thanos, quand même. Il est vite fétisé, quoi. Ah non, on le voit pour la première fois. Dans les Gardiens de la Galaxie, on le voit, mais bon, Thanos, on sait que ça va être celui de Infinity War. Donc, ouais. Justement, ce que tu disais sur Captain America, sur Civil War, c'est que ça devient plus mondial. Et justement, je trouve ça. Enfin, ils sont obligés de le faire. Parce qu'il y a les Gardiens de la Galaxie qui vont arriver. Donc, ils sont obligés de se détacher un peu de leur New York habituel. Bah et oui, d'aller hein, partout autour de la Terre. Et peut-être dans la galaxie plus tard. Donc voilà. Parce qu'on a déjà, là... on a déjà Thor qui vient de l'espace, mais voilà. C'est tout. Mais lui, il est quand même resté sur New York, tu vois. Enfin, voilà. Et on suppose que du coup, Thor, il vient d'un espace moins lointain que les Gardiens de la Galaxie. Oui, complètement. Ouais. Voilà. Mais là, encore une fois, c'est moi personnellement. Oui, mais bien sûr, mais enfin, moi, mais on remet pas du tout. Enfin, moi, je remets pas en cause ton avis. Hein. Après, non, ce que tu veux, mais moi, c'est vrai que j'ai trouvé ce Spider-Man-là très cool. Quand je vois Spider-Man qui fait Captain America, qui doit affronter, je t'adore, c'est cool. Mais en fait, s'il y avait que ça, mais il y en a tout le temps, même quand il y a Black Widow qui se bat contre je sais plus qui dans le film. Mets-toi un peu dans une position X-Men. Admettons, tu vois tes. T'as eu Sheridan pour de vrai. Non, parce qu'en fait, ça me fait penser à X-Men. Ça me fait penser à X-Men parce que je me dis, voilà, c'est un univers où ils ont des pouvoirs et tout. Et t'as les jeunes mutants qui voient les autres mutants évoluer et tout. Exactement. Et là, tu te dis, lui, il a entendu parler de ce qui s'est passé à New York, parce qu'il habite à New York en même temps. Un peu logique. Ouais. Et il a entendu ce qui s'est passé dans Avengers, ici, ce qui s'est passé par-ci, par-là. Et là, on lui demande de rejoindre ces gens-là parce que lui aussi, il a un pouvoir. Donc forcément, il y a une euphorie derrière. Et je trouve que c'était important quand même de l'amener comme ça. Et il a ce côté un petit peu, pas chien fou, mais ce côté, il est à fond, quoi. Il est trop content d'être là. Ouais, puisqu'il adore, enfin, il adore les personnages. Je sais pas, je n'ai pas vu le film, mais je suppose qu'il aime ces personnages. Il est un peu en admiration, forcément. Qu'il les considère comme des héros, comme supérieurs à lui, voilà. Il est un peu en admiration parce qu'il sait que lui en plus, s'il veut, il a l'opportunité de faire aussi bien qu'eux, quoi. Certes, non mais ça c'était un exemple par rapport à ce que je disais au fait de la dédramatisation des scènes. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand je vois Black Widow qui dit il y a un côté un peu pour moi c'est pas une guerre civile, c'est plus un combat de cours d'école. Mais je m'attendais vraiment à voir ça et c'est pour ça que je préfère peut-être, si je dois vraiment les comparer, je préfère peut-être Batman contre Superman parce que là c'était plus musclé, même si les enjeux, bon, il y avait des gros soucis, mais au moins c'était plus musclé, ça allait vraiment au fond des choses, vraiment c'était hyper musclé, c'était hyper noir jusqu'au bout. Là, le côté trop léger, j'aurais aimé peut-être qu'ils prennent un petit peu plus de risques. Bah, moi non. Moi je trouve que Batman vs Superman, justement, le côté sombre, on l'a moins. Parce que là, jusqu'au bout, tu doutes même si t'as pas un personnage important qui peut y passer. Donc, c'est évident qu'il y a, enfin, moi, honnêtement, durant la dernière demi-heure, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, peut-être que ça y est, là, il y a des changements qui se profilent et peut-être que, voilà. Il faudra se les poser au bout d'un moment, ces questions. Oui. Parce que ça va arriver dans la vingtaine. Et franchement, j'ai ressenti, bon, même si j'ai été surpris dans Batman vs Superman, je pensais pas que Superman pouvait mourir. Spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Superman. Oui, ils l'ont vu, hein, de toute façon. Mais il revit à la fin. De toute façon, c'est bon, c'est parti. Mais là, franchement, je veux dire, j'ai pas. C'est vrai que j'ai été surpris. Je pensais pas. J'ai perdu ce que je voulais dire. Je veux dire, j'ai été plus pris dedans et. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux parce que justement Batman vs Superman, le problème c'est qu'il fallait qu'il passe d'un truc à l'autre tout le temps pour pouvoir exposer tout ce qu'il avait à mettre en place. Ouais. Alors que là, t'es dans quelque chose qui a déjà un background forcément plus développé derrière. C'est plus simple. Et ça fonctionne mieux. Et je trouve que du coup les enjeux ressortent mieux. Moi d'accord, ça me. Okay. Ouais. Et j'ai trouvé que le côté son justement fonctionnait mieux là-dedans parce que justement il y avait plus d'incidence sur les personnages qu'on les connaît mieux. Ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai pas trouvé ça sombre, mais en même temps j'y allais pas pour ça. Hein. Et vraiment. Je pensais pas que ce serait sombre comme ça. Ni pour la. Je pensais pas que la dernière demeure serait aussi empreinte de noirceur. La profondeur, je pense que ça va faire comme en 2014. En 2014, on avait eu Captain America 2 qui était vraiment bien, j'avais plutôt bien aimé. Ouais. Mais la profondeur sur la psychologie des personnages, etc., je l'ai eu dans un film de la MCU. Non, je l'ai eu dans X-Men quelques mois après. J'espère que ça va me faire le même effet. Et j'attends beaucoup X-Men d'ailleurs pour ça, parce que X-Men. Je sais pas. Il s'est bâché par. Attention, parce que. Ouais. Bon, aux États-Unis, parce que. Par la presse. Ceux qui ont commencé à le voir en France, il a déjà un accueil beaucoup plus positif. Ouais. Oui, il y a vraiment des. Même. Des, des, Mais après, tout le monde s'accorde à dire que c'est clairement en dessous de en dessous de Days of Future Past. En même temps, c'était difficile. Days of Future Past, c'était tellement bien que voilà. Ben oui. Et puis, il y a un ami à moi qui s'appelle Nick. Bon, par contre, c'est moche. Hein. Tout le monde le dit, et c'est vrai qu'on le voit dans les bandes annonces, mais c'est vrai que c'est très très moche. Par rapport à un avis qui me rassure, il y a un avis qui me rassure d'un ami à moi qui s'appelle Mehdi, que j'embrasse, que j'adore, qui lui a dit que c'était un bon final, mais que c'était pas. Et je m'y attends, parce qu'effectivement, avec Day of Future Past plus First Class derrière, faut y aller pour faire un truc. Donc, forcément que. Mais en matière de personnages de profondeur, même s'il paraît que le méchant est naze, mais bon, en même temps, Apocalypse, il ressemble plus à un méchant de Power Rangers que voilà. Et il est très caricatural, je pense. Bah oui. Ouais, après bon. On peut pas juger. C'est pourtant pas faute d'avoir un bon acteur, parce que Oscar Isaac. Bah ouais. Mais donc, voilà, donc pour X-Men peut m'apporter la profondeur que je recherche et qui peut-être fait que les films me paraissent, entre guillemets, plus importants à mes yeux, mais en attendant, Civil War. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un bon film. Et pourtant, c'est vrai que pas... moi, tu vois, là, je m'étais. Bon, le MCU, elle m'avait un peu. Même si la phase 2 était pas mal, j'avais bien aimé quand même la phase 2. J'aime beaucoup. Parce que moi, j'avais bien aimé Thor 2 plus que le premier, bizarrement. Ouais. Bah, curieusement. Hein, oui, non. C'est quand même peu contraire à la vie générale. Non, mais en plus, Thor 1, je l'ai revu récemment. Et finalement, enfin, moi, je l'avais détesté quand je l'ai vu la première fois. Ça va, c'est pas non plus. Oui, mais moi aussi, quand je l'ai revu, ça allait mieux. Mais je préfère quand même le 2 que je trouve plus cool. Ah, mais c'est Dutch Angle, c'est horrible. Iron Man 3, que j'aime beaucoup. Mais Iron Man 3 était très bien. Et après, c'est vrai que bizarrement, même si j'avais bien aimé la phase 2, c'est vrai que Avengers 2 m'avait tellement laissé sur ma faim. Moi, je l'ai pas revu depuis, donc du coup. Que du coup, je m'étais un peu. C'est pour ça que j'avais tardé à voir Ant-Man et tout. Et là, Captain America était. Enfin, Civil War est tellement bien que du coup, ça y est, ça me relance vraiment dans. Ouais. J'ai envie de voir les autres films. Je sais pas ce que c'est le prochain. C'est Doctor Strange. Ouais, Doctor Strange, voilà. Ouais, alors même si là je suis moins convaincu. Mais bon, on verra ce que ça donne. C'est une bonne entrée en matière pour la phase 3, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est un bon film. Mais. Je veux dire, un début de phase qui commence comme ça, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Après, c'est un terme avec lequel j'ai du mal, mais il y en a un peu quand même. C'est un film et c'est très bien, il apporte tout sur un plateau, donc c'est vraiment le fan service, mais vraiment à son apogée. Mais bon, ça après on le sait chez Marvel. Oui, il le fait bien, c'est pas ce que je dis, il le fait bien. Maintenant, personnellement, je trouve qu'en matière de mise en scène, c'est pas fou. Il y a quelques moments de fulgurance, la scène du tarmac, rien à redire. Même comment c'est les pas fou, mais c'est propre quoi, c'est bien calé tout le temps, il n'y a pas de fausses notes. Je veux dire, je préfère 100 fois la réalisation des frères Russo à celle de Joss Whedon. Joss Whedon, oui. Mais surtout à celle de celui qui a fait Thor le premier, quoi. Les cadres penchés. C'est justement ce que je te disais, ça s'appelle des Dutch Angle et c'est juste horrible. Oui. Alors, je n'ai pas le. Non, mais c'est pas grave, mais c'est les cadres penchés. Et c'est absolument horrible. Je commence juste à retenir ce que c'est qu'un lens flare, donc bon, excuse-moi. tu penses à Gigi Abrams, c'est bon. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai revu les Star Trek, je me dis ah oui, les lens flare, c'est ça. Et du coup, voilà, je préfère 100 fois la réale des frères Russo, qui est peut-être un petit peu plus, un petit peu plus académique, peut-être moins ambitieuse, même si franchement, ce qu'ils font avec Ant-Man, c'est quand même très cool. Non, mais le boulot est propre. Après, moi, et les scènes d'action sont quand même globalement assez lisibles, ce qui n'était pas le cas d'Avengers 2. Oui, non, mais c'est bien. Ouais. Donc voilà, mais c'est quand même plus sympa à regarder, je trouve. Mm-hmm. D'accord. Non, mais j'ai bien aimé, franchement. Mais bon, je ferai pas une hola, ce sera pas dans mon top, quoi. Ah, mais moi non plus, mais moi, ça se regarde. C'est pareil, hein. Je sais même pas si j'ai tremblé parce que bon, moi, je suis un peu maniaque. Il faudrait que j'achète toutes les phases une par une. C'est chiant parce qu'ils ont sorti des super beaux coffrets pour les phases et ils les ont sortis qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni. Chier, ouais, parce que moi, des coffrets, à la limite, ça m'intéresserait. Pour la première phase, il y a le cube, tu sais, le Tesseract. Ah ouais. Qui est inclus dedans. Pour le deuxième, il y a un autre truc, je sais plus maintenant, mais le truc de Thor 2, je crois, des cristaux, cristal. Ah ouais. Mais voilà. Et ils sont vraiment magnifiques en plus en Blu-ray, etc. Mais malheureusement, ils n'ont pas sorti en France. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, c'est des Blu-ray quand même édités par Disney en grande partie. Voilà, donc, du coup, ils sont forcément de la gueule, quoi. Ouais, je pense, ouais. Donc voilà. C'est bien, c'est un bon film, franchement. Voilà. Non, il est. Moi, j'ai trouvé très bien. après. Mais j'attends peut-être plus X-Men. Que, mais moi aussi, j'attends, je l'attends, même si, bon, même si j'ai un peu peur, mais je l'attends quand même. Faut parce pas que, avoir c'est, peur. Parce, parce que c'est des personnages qui me touchent plus, mm-hmm. X-Men. Mais mm-hmm. je veux dire, ouais, pour pareil, moi pareil. Qui suis quand même un, oui. à la base un néophyte de Marvel qui n'y connaît rien, là je veux dire, j'ai pris un. J'irai pas jusqu'à dire j'ai pris mon pied, mm-hmm. mais j'ai quand même passé un super moment. Oui, et, j'ai passé un bon moment. Et je regrette pas de l'avoir vu, et je pense, ouais. et sincèrement, c'est un très bon Marvel. Mm-hmm. Oui, mais après, c'est vrai que là, c'est en matière de personnages. Quand je parle d'X-Men, hein, oui. en matière de personnages, je préfère les personnages d'X-Men. Bah oui, moi je suis plus touché par Magneto et compagnie. Et clairement, le casting d'Apocalypse, largement plus que celui-là de Civil War. Mais il n'y a aucune objectivité dans mes propos, ouais. je vous rassure. Rien, mais enfin, vraiment rien. Oui, mais ça on avait compris. Ouais, on avait compris. Donc voilà, vous avez l'avis d'Eddie et de Morgan sur Civil War. D'ailleurs, Eddie, tu as fait une critique sur le site, ouais. si je ne me trompe pas, que je n'ai pas lu parce que je n'ai pas vu le film ah encore. Ah oui, il faut mais... pas la lire. Enfin, voilà. si, il faut la lire si vous l'avez vu le film, sinon voilà. ne la lisez pas. Puisqu'il y a même des si j'ai pas de. Non, je sais plus si t'as. Enfin, je crois que t'avais marqué que t'avais du spoil, mais je ah, sais attends. Plus maintenant. Ou alors c'est. Ou alors c'est Morgan a aussi fait une critique critiquable qu'il a postée récemment, très récemment d'ailleurs, je crois, aujourd'hui oui, ou plus hier. Plus récemment que moi, ouais. Puisqu'il avait un peu de retard aussi, il a des examens comme moi. Du coup, voilà. Si vous voulez du contenu sur Captain America en plus de celui-là, ben vous pouvez aller voir sur le site. Et moi, je ferai. Probablement, sûrement, une critique non, sur. Non, j'ai pas. Non, il y a pas. T'as de pas spoilé. Ok. Non. Bon, voilà. A priori, non. Voilà. Il y a pas de spoil. Mais sur celle de Morgan, donc il y a du spoil, donc voilà. Si, regardez-la si vous avez vu le film. Morgan, pas moi. Encore une fois, je précise, oui, ce n'est pas moi. Voilà. L'autre Morgan. L'autre Morgan, le moins bien. Oh. Il est très bien, Morgan. Il est très non, drôle. C'est... Ouais, mais franchement, lui, c'est... il est très drôle. J'ai pas la prétention d'être drôle déjà, hein. Et puis c'est facile d'être drôle. Bah désolé, mais bon, voilà. Et en plus, hein. Tais-toi. Il s'y perd. Bon. Non, franchement, ses vidéos sont vachement bien et. C'est le gars qui essaie de se défendre. Non, mais. Mais j'ai pas. T'as vu, hein? Ouais. De toute façon, t'as aimé Sea of Thrones, toi. Alors, qu'est-ce que tu vas me parler? Ok. Voilà, bon, on va finir ce podcast qui finalement sera aussi long que celui de Batman. Voilà. Et je vous annonce un petit truc, on aura sûrement. Annonce pour la fin. Annonce pour la fin. Ah d'accord. On passe à la fin. Passe à la fin. Passe à la fin. On est donc à la fin de ce podcast Movies Nerd qui fut finalement plutôt long en fait. On avait prévu de pas faire si long que ça puisqu'en plus il manquait la rubrique Vidéo Club et que on a enfin voilà il manquait des rubriques et moi j'avais pas vu Civil War donc je pensais que ça ferait plus court mais finalement bah on a quand même à peu près 2h30 de podcast donc bah voilà. J'espère que vous avez apprécié l'écoute. Merci beaucoup d'être fidèle et d'écouter. Et même pour les nouveaux, ben bienvenue. Vous pouvez retrouver tous les podcasts, toutes les émissions, toutes les critiques sur moviesnerd.net. Tous les liens dont on va vous parler juste après, ce sera sur sur l'article du podcast Moviesnerd 26. J'ai pas encore le titre. Le titre, je le trouve toujours au montage. C'est quand je réécoute les conneries qu'on a dit, je trouve le titre. Voilà. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez retrouver le site sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Twitter. Facebook, c'est juste Movies Nerd, et sur Twitter, c'est Movies_Nerd. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud et sur iTunes. SoundCloud, j'ai arrêté parce que c'est un peu trop. C'est chiant pour uploader après. Enfin, il faut un compte spécifique pour pouvoir mettre plein de podcasts et il faut ça payer d'argent. Ça va devenir payant. Voilà. Voilà. Mais c'est payant déjà pour. Voilà. Donc du coup, j'ai arrêté. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site et sur PodCloud. Et n'oubliez pas d'aller sur iTunes parce que c'est là qu'on peut se faire connaître des gens, avoir de nouveaux auditeurs grâce à vous, en nous mettant juste 5 étoiles ou même moins, mais voilà, tant que vous y êtes, mettez 5 étoiles et un petit commentaire. Et au pire, s'il est gentil, on le lira. Même s'il n'est pas gentil, on le lira. Voilà. j'ai à peu près tout dit pour ça. Vous pouvez me retrouver, moi, sur Twitter et sur Sens Critique, The Lexal, donc T-H-E-L-E-X-A-L. Et on va passer à Morgane, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet? Sur l'internet? Non, sur l'internet. Sur... sur Twitter, @cinemorgane, Morgane Cinémaniaque pour les intimes, oui. Et sur Vodcaster, pour les intimes, Cinémaniaque. Ouais. Okay. Voilà. D'accord. Ok, et Eddie? Alors moi sur Movies Nerd, sur Sens Critique et sur Facebook et sur Twitter, et c'est Eastark. Ok, voilà. Donc vous avez toutes les infos, vous les retrouvez bien sûr sur l'article du podcast, et nous on vous dit encore un grand merci d'avoir écouté ces 2h30 de podcast, peut-être que c'était un peu dur pour vous, je sais pas, mais en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire, voilà, on vous dit au mois prochain pour un podcast qui attendez. Sera... Attendez, moi je... Ah oui. Je... Ah, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, désolé, Morgane, il avait quelque chose à dire, donc... Tu peux le dire. Eh bien, la semaine prochaine, donc on se retrouve pour un Parlons Cinéma, mais il y aura quelqu'un, un petit nouveau, que je vais vous présenter, que je vais juste vous dire son prénom. Pour que, voilà. A Little New. A Little New, donc, voilà, déniché par moi-même. Voilà. Un invité qui pourrait très bien devenir un récurrent si jamais... Attends, on n'annonce pas directement, mais voilà, donc en tout cas... Jamais. Oui, bien sûr. Une période d'essai en général, mais nous, voilà. Il y a une mais période nous, d'essai, il y a un CV à remplir, CV, etc. Ça, enfin, voilà. Nous, on vous divulgue pas tout parce que c'est un peu chiant. Mais déjà, mais... de toute façon, il faut. Bon, on voit si il survit au jeu de mots incessant de Morgane aussi. Parce que, toujours il faut, moi. Il ça faut m'énerve. Il faut une condition physique particulière. Non, mais il a écouté les podcasts justement et il m'a dit qu'il serait prêt à survivre à ça. Donc, logiquement. Mais qui te dit qu'il n'est pas en thérapie? Bah écoute, je sais pas si... Et on sait pas ça, Morgane. Et qui te dit que nous ne sommes pas en thérapie? Oui, parce que tu nous l'as jamais demandé, mais si tu nous demandais, voilà, tu saurais. Je vois comment on me parle sur certains groupes Facebook, hein, en disant que me supporter, ce serait une punition. Enfin, je suis désolé, au bout d'un moment. Bon, je vais quand même ça faire les choses... Je vais faire les choses bien, parce que c'est un gars vraiment génial. Oui. Et je suis vraiment content que... Qu'il accepte, ouais. Qu'il accepte, voilà, de venir en tant qu'invité. Donc, il s'appelle Charles. Enfin, Charlie, c'est un petit nom. Ouais. Bouffe des films, mais ce gars est. Genre un... des DVD, des VHS. Mais je sais pas. Mais ce gars, c'est, il respire cinéma toute la journée, il pense cinéma. C'est un bouffeur de films. Voilà, il a un sens de la critique aussi. Il a ses goûts qui sont à lui. Hein. Voilà. On ne critique pas, au contraire, on est ouvert au débat, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut apporter vraiment quelque chose. Voilà. Donc, vous savez tout. Sur ces belles paroles. Voilà, sur ces belles ce paroles. Il est génial, je l'adore. Oui, je fais mon Cyril Hanouna en fait. Je l'adore, il est génial. Putain, mais on a cité deux fois Cyril Hanouna dans cette oui, émission. Non, mais c'est deux fois de trop. Voilà. Donc. Bah, je suis fan, ne touche pas à mon poste en même temps. Oui, ah bah on comprend des choses maintenant. Ouais, un petit peu. voilà. Donc, la semaine prochaine, donc vous aurez un Parlons Cinéma. Il sortira sûrement, je sais pas, dimanche ou lundi, on verra. Mais déjà, les examens seront passés pour moi, donc ça fera une charge en moins. Donc, du coup, voilà, on se retrouve le mois prochain pour un prochain Movies Nerd, podcast Movies Nerd, et dans une semaine à peu près pour l'épisode 13 du Parlons Cinéma. Voilà. Au revoir, salut. Salut.